Rex Quandam, Rexque Futurus. Épisode 31, le Lancelet de Ulrich von Satzikhofen et la tradition allemande. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et cet épisode d'avril 2020 de Rex Quandam, Rexque Futurus est une première. Si vous nous écoutez maintenant, vous devez vous douter pourquoi. Si vous nous écoutez dans le futur, on espère un souvenez-vous. Sous de meilleurs auspices que maintenant. Vous saurez que nous sommes dans une période de pandémie mondiale et que les contacts sont découragés. Nous suivons donc la politique officielle de Radio Kawa qui est de faire le moins de contacts possible. Et ça inclut aussi de se voir pour les enregistrements, ce qu'on faisait d'habitude où on se voyait dans la vraie vie, dans la même pièce, face à face. Et là, nous sommes, grâce au miracle de la technologie, à distance, en train de nous enregistrer. Oui, il y a eu des épisodes où on l'a fait avec quelqu'un d'autre qui était à distance, puis nous, on était ensemble, mais c'est vrai que c'est la première fois. Et c'est ironique parce que maintenant, on habite les deux dans la même ville et on ne peut pas se retrouver pour le premier épisode qui aurait dû être le premier épisode chez moi, je pense, ou alors qu'on habite à, je ne sais pas, maintenant, quoi, peut-être 300, 500 mètres, peut-être. Ouais, c'est assez ironique. On habite à moins... Je pense que si je lance un feu d'alarme par la fenêtre de mon bureau, Laïs le voit oui. depuis chez lui sans problème. On habite vraiment à côté maintenant. C'est assez bizarre. Mais du coup, on a pris nos petits pots de yaourt reliés par une ficelle et on les a tendus par la fenêtre et puis on enregistre chacun de notre côté. Cet épisode, on va pouvoir vous parler de choses qui sont aussi un peu inhabituelles pour nous. C'est des textes qu'on a parfois mentionnés, pas beaucoup discutés, qui sont moins connus. Dans cette émission, bon, déjà parce qu'on parle français, mais aussi parce que c'est les œuvres les plus importantes, on parle surtout des œuvres arthuriennes françaises. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu quelles variations, quels changements, quelles autres traditions il peut y avoir du côté allemand, du côté de chez nos camarades d'Outre-Rhin. Alors, on avait déjà fait un peu de travail allemand, si vous vous en souvenez. On avait parlé de d'une des principales, les plus connues, des œuvres les plus connues de la littérature arthurienne allemande, c'est le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, qui a inspiré notamment le Parsifal de Wagner. Je pense Parsifal, la plupart des gens sont vaguement au courant que c'est différent, c'est pas une adaptation très très fidèle de la version de Chrétien, parce que Parsifal est rentré grâce à cause de, ou à cause, grâce à Wagner, suivant comment vous voyez ça, dans la culture populaire, et les gens savent que c'est un peu ce truc un peu... une vibe différente du Perceval de Chrétien, et c'est peut-être le reste de la tradition allemande est peut-être un peu moins connu aussi parce que il est moins il y en a une bonne partie qui est aussi assez, disons, des adaptations un peu plus directes, et il y en a par contre qui sont vraiment différentes mais qui restent dans une tradition, disons, peut-être un peu plus Parsifal, c'est le côté vraiment surprenant parce qu'il est si différent. Il y a le Graal, c'est une pierre incandescente, puis il y a cette espèce de QG, G.I. Joe, des chevaliers du Graal qui viennent intervenir dans... Les chevaliers du Graal qui envoient des héros dans le monde entier pour épouser... Le temps chevaleresque. Qui envoient des chevaliers du Graal sexy pour épouser les demoiselles en détresse partout. Ouais, en fait, ce qu'on sait peu, c'est que Wolfram von Eschenbach travaillait dans l'administration Nixon, en fait. il finançait des équipes paramilitaires dans les pays arthuriens. Non, mais c'est vrai qu'on va voir aujourd'hui, surtout, un peu le gros morceau qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Lancelet, qu'on aurait probablement pu voir avant, chronologiquement, parce qu'il c'est assez tôt qu'il a été écrit, probablement très peu de temps après Chrétien et avant le Lancelot en prose, mais il témoigne en tout cas d'une tradition assez différente sur Lancelot, et même, je dirais, à l'opposé de ce que Lancelot nous a habitués, c'est-à-dire que pour nous, Lancelot, c'est vraiment l'homme d'une seule femme, c'est celui qui aime Guenièvre, tandis que, comme tu le disais Antoine, Lancelot ici, il reprend vraiment un peu plus les caractères de Gauvin. Il est le neveu d'Arthur et il fricote un peu avec quatre dames, je crois, au cours du roman. Oui, effectivement, il est l'homme de toutes les femmes, un peu comme Gauvin, à l'exception de Guenièvre. Il n'est pas un modèle de fidélité conjugale, même si... Il y a une histoire de l'enlèvement de Guenièvre, donc qui est une histoire plus vieille que le Lancelot. On l'a trouvé au sujet de Méloise, déjà dans des vies de saints, où Arthur devait faire une espèce de deal avec lui pour récupérer sa femme. Eh bien, là, par exemple, Guenièvre est enlevé par Valérin, mais... Lancelot n'a qu'un rôle un peu accessoire à sa rescousse, c'est pas son amoureux du tout. Mais en fait, il y a quand même c'est aussi l'idée que Lancelot est confiné par quelqu'un d'autre aussi. Là, le Lancelot comme otage, ou enfin retenu par une autre dame, ça aussi, ça se retrouve. Ce qui me fait penser que c'est peut-être pas tant que c'est une tradition différente du Lancelot, c'est qu'il y a deux, trois bouts du Lancelot, peut-être en des fragments de ce qu'allait donner le Lancelot en prose, mais que pour l'essentiel, le reste, l'auteur, Ulrich von Salickhoffen, il s'en est fichu. Il a jeté loin tout ce qui pouvait être. Spécifique vraiment pour nous, ce qui est essentiel à la légende de Lancelot, puis il a préféré en faire simplement une histoire toute simple, beaucoup plus, disons, autocontenue, on dirait. C'est beaucoup plus une romance, comme un roman de chevalerie, comme le Rivain ou le Rec, ou même le Lancelot de Chrétien, d'une certaine façon. Mais même le Lancelot de Chrétien a cette espèce d'ouverture que n'ont pas ses autres œuvres, à part peut-être le Perceval. Le Lancelot de Chrétien a ajouté en fait une dimension qui est celle de l'amour courtois en fait, qui n'est pas vraiment présente chez Ulrich. Il n'y a pas vraiment cette idée d'aimer la femme de son souverain, et puis la transgression que Chrétien aurait, qui est que cet amour n'est plus chaste justement, puis devient cet amour interdit, etc. Ce qui est ce pourquoi on connaît principalement Lancelot aujourd'hui. Une des dimensions qu'il a par contre, c'est ce prologue où on apprend que Lancelot a été élevé par une fée marine. Par une fée qu'il a enlevée à la naissance, et que le royaume de son père a été dévasté. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans le Lancelot en prose, mais qui a sauté le Lancelot de Chrétien. C'est quelque chose que Chrétien ne mentionne pas vraiment. En même temps, Lancelot n'a pas beaucoup d'enfance en fait chez Chrétien. Il arrive déjà, contrairement à d'autres chevaliers, contrairement par exemple à Perceval, dont on savait vaguement où il se situe avant d'arriver dans l'aventure. Lancelot arrive dans l'aventure déjà complètement formé, quoi. Il est pas. Si vous vous rappelez de son arrivée, c'est vraiment il arrive de plein pied dans l'aventure alors qu'il a même pas été présenté. Il s'est pas présenté à la cour. Il débarque de manière assez ce qui est cohérent avec ce que Chrétien dit, que cette histoire existait avant et que lui il fait que la réécrire, si on veut. La matière de son histoire lui aurait été fournie. Ouais. Et donc ce Lancelot, ce serait une trace de à quoi l'histoire de Lancelot pouvait ressembler avant Chrétien. Il faut préciser que, en tout cas, Ulrich revendique une origine précise pour son Lancelot. Il le fait à la fin de son livre. Et selon lui, alors Ulrich était un... Alors il vivait en Suisse ou en Souabe, on ne sait pas exactement dans quel cercle il se trouvait, mais il dit avoir connaissance de l'œuvre de l'œuvre originale. Parce qu'un prisonnier, un otage, déposé par Richard Cœur de Lion à la cour, je ne sais plus à quelle cour il était, l'otage en question, il a fini, mais il avait été retenu prisonnier par le duc Léopold en revenant des croisades, en fait, fameusement, et il avait, pour permettre, une fois sa rançon payée et sa libérée, il avait fourni des otages, dont un certain, selon Ulrich, un certain, Hugues de Morville, Hugues de Morville, oui, chez l'empereur Henri VI. Il aurait été remis à l'empereur Henri VI. Je ne sais plus exactement où physiquement, disons, il a été retenu. Il ne le dit pas ça, en tout cas. Il ne nous informe pas exactement sur l'endroit où a été retenu Hugues, en tout cas. Mais en tout cas, il parle d'un, et c'est assez drôle si vous êtes suisse roman, bon, alors ce n'est pas beaucoup de notre audience, mais il parle littéralement d'un Welschesbuch. Un bouquin, un livre Welsh. Welsh, c'est le terme utilisé par les germanophones assez globalement pour parler, disons, des non-germanophones étrangers, mais surtout les latins, donc les français, les italiens, mais surtout les français, on va dire, dans ce contexte-là. Ouais, c'est assez intéressant que finalement, ça. Disons, la plupart de ces chevaliers, c'est aussi le cas d'Hartmann von Ahe, c'est le cas après de Gottfried von Strassenburg, de Strasbourg en fait, ils semblent se balader dans un cercle qui est comme le sud de l'Allemagne, la Souabe, un contexte assez, disons, pas directement en contact fréquent, mais suffisamment proche en tout cas d'un cercle français, enfin en tout cas francophone ou d'influence française. Et ça va être aussi un peu le cas pour. On va mentionner brièvement tout à l'heure dans les autres œuvres qu'on va mentionner, le Vigalois de Wernt von Graffenberg, qui vient d'un Greffenberg qui doit être dans la Bavière, donc quand même au nord-est de Nürnberg, donc quand même assez un peu plus au nord que Satzikhoven, mais quand même la partie sud de l'Allemagne. Et on essaiera de vous mentionner aussi Hartmann von Hau. Hartmann von Hau, qui est peut-être un peu, qui mériterait d'être peut-être plus connu comme l'introducteur, si on veut, de la matière de Bretagne en langue allemande, en tout cas, parce que c'est sans doute lui qui, le premier, aurait, amené d'abord, par ses deux œuvres, Erec et Iwin, l'œuvre, en tout cas, de Chrétien outre-Rhin, et c'est ça qui aurait vraiment, donné une certaine, un certain. Qui aura une influence assez rapide, disons, parce que beaucoup de ses contemporains vont écrire, du coup, des œuvres arthuriennes, comme le Lancelet, dont on va vous parler plus tard, d'Ulrich von Satzikhoven, mais aussi Wolfram von Eschenbach, puis après d'autres comme Gottfried von Schnarrenburg, qui lui reprend plutôt un Tristan, qui n'est pas encore entièrement connecté. Il y a, disons, des influences assez marquées, c'est un réseau d'auteurs qui se connaissent, qui semblent venir d'un milieu social, disons, pas homogène, certains se revendiquent comme étant des ministériaux appartenant à des classes sociales qui sont en dessous de la noblesse, mais qui sont quand même dans un monde qui est bien connu. C'est le monde, en fait, du Codex Manessé, en fait. Ce livre qui se trouve aujourd'hui à Zurich, je crois, si je ne me trompe pas, Laïs, qui est un répertoire de Minnesänger et de grands poètes des 12e au 14e siècle. Pardon, qui n'est pas à Zurich, qui a été produit à Zurich, mais qui se trouve maintenant, je ne sais plus où il se trouve, Laïs, tu sais Il se trouve à l'université de Heidelberg. On avait utilisé une image de ce codex pour illustrer, je crois, notre épisode sur les laits. Le deuxième épisode qu'on avait fait sur les laits narratifs. Il a été produit effectivement au XIVe siècle pour justement la famille de cette famille Manessé de bourgeois de Zurich. Enfin, peut-être pas des bourgeois, mais des patriciens de Zurich. Et aujourd'hui, il est à la bibliothèque de l'université de Heidelberg. Des grands poètes s'y trouvent représentés, mais aussi des nobles, des gens, disons, plus ou moins connus aujourd'hui. Mais il y a notamment Hartmann von Hau s'y trouve. On a notamment des gens beaucoup moins connus. Il y a des personnages fictifs. Il y a typiquement le Tannhäuser, par exemple, il est présenté comme un personnage, disons, représenté en tout cas. Et beaucoup de gens tout à fait inconnus, des empereurs romains, il y a des rois, des comtes, des ducs, et notamment Hartmann von Hau qui est un de ces poètes. C'est vraiment une espèce de ça illustre assez bien, je pense, ce monde. Le codex date du 14e siècle, puis c'est vraiment le siècle précédent, et un peu plus que le siècle précédent qui s'y trouve résumé, les 150 dernières années. C'est une espèce de pas vraiment d'anthologie, mais vraiment des motifs pour représenter qui sont les grands poètes, quoi. L'aboutissement. Et puis, comme tu le dis, Hartmann von Hau est vraiment un des premiers à introduire la légende arthurienne en allemand. Et il traduit les œuvres de Chrétien, donc son Erec traduit logiquement Erec, Iwain traduit le Yvain ou le Chevalier au Lion. Le seul qui pourrait être peut-être plus tôt que lui, mais je pense que c'est vraiment en même temps, c'est Eilhard von Oberge qui avait fait un Tristrant. Ouais, mais le Tristrant est pas. Est-ce qu'on sait si ce Tristrant était vraiment arthurianisé déjà autant que va être celui de Gottfried, quoi? Alors, c'est la question, c'est que Tristrant est un peu toujours à part, bien mais sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas de la même. Il vient pas de la même veine que von Strasbourg, qui est lui un courtois. Il vient de la tradition commune, disons. Notre premier Tristan allemand. Puis Gottfried von Strasbourg, qui est plutôt contemporain de Wolfram von Eschenbach autour de l'an 1200. C'est des gens qui se sont connus dans la dernière, qui savent ce que les autres écrivent. Ça, c'est un monde qui écrit dans les dernières décennies et les premières du 12e et les premières décennies du 13e. Donc c'est quand même des gens qui doivent sans doute se connaître d'une certaine façon. On peut mentionner peut-être les œuvres, on va pas forcément les discuter aujourd'hui, mais pour parler un peu de ce panorama des œuvres allemandes, qu'est-ce qu'on a? Gottfried von Strasbourg avait fait un Tristan, dont on va probablement vous reparler un jour, parce qu'il est reconnu comme une œuvre, disons, méritoire en elle-même. Il y a aussi un autre Ulrich von Thorheim, qui a fait une continuation, je crois, au début du XIIIe siècle, probablement. Aujourd'hui, on va vous parler du Vigalois, qui a été écrit au début du XIIIe siècle, donc probablement entre 1205, 1210, peut-être jusqu'à 1220. C'est une histoire qui est assez proche du Bel Inconnu. Donc, c'est un fils de Gauvin avec une espèce de dame féerique qui a diverses aventures. Il n'est pas forcément très original. Il s'appelle Le Chevalier à la Roue. On va le discuter parce que c'est cette image de la roue de la fortune qui revient dans ce roman. Il y a une œuvre anonyme, Daniel von dem Blühendental, donc Daniel de la vallée fleurie, qui, autour de 1220 probablement, qui est, je crois, anonyme, mais qui va inspirer un poète de la fin du XIIIe, qu'on appelle Der Player, c'est le nom de ce poème, qui écrit Garel von dem Blühendental, donc vous voyez qu'il a juste changé le prénom, mais c'est la même forme rien que pour le titre, Tandares et Floribel, Meleranz, qui, je crois, est peut-être lié à Méléagant, peut-être. Mais donc ça, c'est plus tardif. Là, on est sur la fin du XIIIe siècle, qui est un moment un peu particulier pour les histoires arthuriennes. Il y en a toujours, mais c'est plus vraiment ce qu'on appellerait des classiques. Entre deux, donc autour de 1230, dans de la grande période des cycles en prose, vous avez Heinrich von dem Thurlin, qui fait Du Krone, La Couronne, qui est... La Couronne, c'est le nom qu'il donne à son œuvre, en fait, qui est le couronnement de l'art. Il n'est pas très modeste comme ça, c'est le couronnement de l'art poétique. Et Du Krone est assez particulier, on l'appelle parfois un anti-graal, parce que je crois que c'est une des rares œuvres où Gauvin réussit l'épreuve du Graal. Où Gauvin va jusqu'au bout du Graal, on lui explique le secret, puis on lui dit, voilà, tu vas pas en voir plus. Il est assez long, très très long, pas forcément très bien édité, mais il est assez intéressant parce qu'il montre un peu une alternative à ce qui se fait dans le même temps en français. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Les autres œuvres qu'on va peut-être pas forcément mentionner, Wolfram von Eschenbach avait aussi fait une suite à son Parzival, un Titurel, qui est donc le fils du coup de... qui est donc... qu'on appelle le... Il y a plusieurs titurels au Moyen-Âge, là c'est le Jüngere Titurel parce que c'est le plus vieux, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, je suis sûr que je vais me tromper. Mais cette œuvre sera reprise plus tard par Albrecht von Scharfenberg en 1272, toujours sur l'histoire de Titurel. Il y a au XIIIe siècle, probablement à la fin du XIIIe siècle, un certain Konrad von Stoffeln, je crois, qui a écrit aussi une œuvre qui s'appelle Goriel von Montabel, qui est un roman finalement assez classique. Puis ensuite, il y a quand même beaucoup d'œuvres arthuriennes allemandes au XIVe, XVe. Vous avez un Lohengrin, donc qui pourrait avoir été écrit à la fin du XIIIe ou début XIVe, donc qui prolonge les histoires du fils de Perceval. Un Rappelsteiner Parzival, qui est une œuvre qui reprend justement l'histoire de Perceval. Faudra qu'on vous en parle, là c'est vraiment XIVe siècle, mais elle est assez intéressante pour le côté dialectal, alsacien, alsacien plus ce que ça donne à cette époque-là du XIVe siècle, qui est vraiment généralement une époque de compilation. Et puis beaucoup de reprises, donc typiquement le Vigalois, il va être repris au XVe siècle. De plusieurs manières, donc vous avez un Viduvilt qui est en yiddish, qui s'appelle aussi Kindergartenhof, qui est assez intéressant parce que justement c'est du yiddish, donc une langue parlée par les populations juives du monde germanophone, et plus tard beaucoup d'Europe de l'Est, qui est assez intéressant pour voir que ça s'étendait à d'autres publics. Vous avez aussi des grandes compilations. Alors, il y a eu des traductions du Lancelot en prose, en allemand, plus ou moins systématiquement, comme il y en a eu en hollandais, etc. Mais vous avez un Prosa Lancelet de Ulrich Futterer, puis un Lancelet strophique, donc il l'a fait d'abord en prose, puis après il en a fait une autre version. On le remet en poésie, ce qui est assez intéressant, donc là on est plutôt au XVe siècle. Et il fait aussi un Buch der Abenteuer, donc un livre des aventures, dans les années 1470-1470. Et là, c'est un peu dans cette tendance des compilations qu'on voit dans les années. Il y a aussi celle de Michel Gonneau en France, donc ça, c'est assez proche. Et une autre œuvre allemande que je peux mentionner, qui est assez intéressante, c'est des pièces de théâtre populaire, comme Ein Hübsche Fastnachtspiel. Comme vous pouvez le deviner, c'est une pièce de Carême, de Fastnacht. Une autre Fastnachtspiel mit der Krone et der Lunettenmantel. Alors il y en a deux, c'est des contes, enfin ça parle du carême, donc c'est des trucs assez comiques comme ça, mais qui mettent en scène des personnages arthuriens, donc c'est des pièces populaires, donc c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans le monde francophone. qui a pu exister mais qui n'a pas survécu dans qui le monde francophone. Voilà, ça a pu, non, clairement, ça a pu exister, mais on les connaît pas forcément. Mais on sait qu'il y avait, bah, on avait déjà pu en parler un peu, je crois, des mises en scène où les gens jouaient, enfin, ils faisaient des tournois, par exemple, et puis ils jouaient des personnages arthuriens. C'est pas exactement pareil qu'une pièce de théâtre, mais il y avait une part très théâtrale là-dedans. Et puis, Der Lunettenmantel, c'est l'histoire, je crois, du manteau, la fameuse histoire de Der Mantel, du manteau. Qui révèle la fidélité, le test de fidélité ou non de chasteté, ouais. Et j'imagine Lunetten, il est associé avec le personnage de Lunette, du coup, du Yvain dedans. Je crois, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ces textes ne sont pas forcément bien connus. J'ai trouvé une édition, ils ne sont pas vraiment traduits en français, ils ne sont pas vraiment... je crois qu'ils n'ont jamais été traduits. Donc si on les lit, ça va demander qu'on trouve un spécialiste. Donc là, c'est vrai qu'on vous parle de ces textes, mais à part ceux qui sont vraiment les classiques, donc on a dit pour le début de la période, qui sont dans cette autour de l'an 1200, après ça, ils sont souvent assez mal traduits en français. Principalement parce qu'en France, c'est Daniel Buchinger qui doit tous les traduire, apparemment, donc forcément, elle a pas... Elle a atteint l'âge de la retraite, là, normalement. Ouais, donc on ne devrait plus en attendre beaucoup trop d'elle. Non, surtout, même des textes importants, hein, même des textes... le Erec d'Hartmann von Hayek est le premier, à ce qu'on sache, je crois, le premier texte arthurien en allemand, n'est pas traduit en français. Il n'y a pas de traduction française. Mm. Il y a une traduction du Ywain, il y a une traduction du Lancelet, Vigalois, du Cronet, pas de problème, Parsifal, mais il n'y a pas le Erec. Alors c'est vrai que ça c'est un problème, j'ai fait un petit, vous m'excusez pour le petit laïus de présentation, mais il y a beaucoup de ces œuvres du coup qui sont effectivement, on se demande à quoi, enfin est-ce que ça vaut vraiment la peine de les traduire, parce que déjà c'est difficile, et puis comme souvent ces textes sont pas toujours si faciles que ça d'interprétation, et puis à quoi bon si de toute façon les germanistes ils sont censés apprendre l'allemand. Bah, surtout, je pense que c'est intéressant de les étudier du point de vue de la littérature allemande. Mm. Donc du coup, les gens qui les étudient, bah, ils n'ont pas de problème à les étudier, parce que bah, c'est un peu comme les... Vous ne trouverez pas beaucoup, à part les grands, grands classiques de la littérature anglaise médiévale, il y a peu de traductions de la littérature médiévale anglaise, ouais, en français. Je pense que vous aurez beaucoup de peine à trouver des romans anglais traduits en français, en dehors des grands trucs qui ont une influence sur la littérature moderne. Gauvin le Chevalier, vous le trouverez en français, vous trouverez en français les Contes de Canterbury, mais vous n'allez pas trouver en français, je ne suis pas sûr que vous trouviez les Lais d'Havelock anglais en français, parce que déjà c'est des traductions du français, il y a relativement peu d'intérêt, je pense, à lire les versions anglaises qui ont une influence en Angleterre. Mm. Pareil pour même pour certaines œuvres précurseurs de par exemple de Malory, je pense pas que vous trouverez facilement les Mort et Arthur anglaises en français. C'est pareil ici, c'est des choses qui n'ont pas eu d'héritage. Autant la littérature française va être traduite inévitablement parce qu'elle aura de l'influence sur les autres, dans le cas de la littérature française arthurienne, et puis quelques grandes œuvres comme Malory, ben, le Gauvin Chevalier Vert, mais le reste de notre patrimoine germanique arthurien, ben, pas tellement finalement. Parsifal, ben oui, parce que Wagner, puis il y a 2-3 grands classiques. Le reste, bof. Le Tristan, je pense qu'il doit être traduit. Mais effectivement, plus loin que... Mais je crois que c'est très important ce que tu dis, parce que je pense qu'un des facteurs, comme on le dit, c'est que ces textes, bah forcément, les gens qui sont spécialistes de ces textes, qui vont vraiment s'y intéresser, ils ont le niveau, ils n'ont pas besoin d'une traduction. Et ironique, bah comme tu le dis, on le voit parfois en anglais, dans le sens où on ne voit pas l'intérêt de faire une traduction parce que le public est tellement restreint que bah, ils n'ont qu'à apprendre la langue. Et d'une certaine manière, c'est la situation qui a été aussi le cas pour la littérature française pendant longtemps. Pendant longtemps, on éditait ces textes, mais on les traduisait très peu. Beaucoup de ces textes français, vous l'avez peut-être remarqué quand on les présentait, très souvent, c'est relativement facile à lire pour un francophone, c'est relativement, encore une fois, relativement facile à apprendre, et donc beaucoup de ces textes n'étaient pas traduits. Puis un autre problème, c'est que ces textes sont effectivement très souvent dérivés d'œuvres françaises. Et du coup, il y a un peu un sentiment que, ouais, mais pourquoi est-ce que je lirais une version bizarre de Perceval en alsacien ? Je connais l'histoire de Perceval. Donc il y a un petit côté peut-être aussi un petit côté cocorico où les Français ont l'impression que leurs œuvres sont un peu la matrice du truc et que les variantes bizarres qu'on trouve de l'autre côté du Rhin nous intéressent pas tant. Et puis bon, je pense qu'il y a aussi une partie du fait bêtement qu'il y a des traductions, je pense, de ces œuvres en moyenno-allemand en allemand moderne. Et c'est pas une barrière si grande que ça que d'apprendre l'allemand moderne. Mmh. Pareil pour les traductions d'œuvres en moyen anglais, même si vous lisez pas le moyen anglais couramment, vous devez sans doute pouvoir lire des œuvres arthuriennes en anglais qui ont été traduites. Donc ce n'est pas non plus une. Disons, même si le spécialiste. Je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a les spécialistes des spécialistes qui vont les lire dans le texte original. Eux, ils n'ont vraiment pas besoin de traduction. Le public, disons, scolaire ou universitaire de premier cycle qui ne va pas pouvoir passer des heures et des heures sur les mêmes textes, qui veulent absorber, disons, un cursus assez vaste, bah, ils vont lire des traductions dans la langue qu'ils étudient. Typiquement, bah, le moyen-allemand en allemand, l'anglais, le moyen-anglais bah, en anglais. Et puis après, il reste encore le public, pareil pour les Français, hein, une traduction de Chrétien III en français moderne, c'est indispensable si vous voulez faire apprendre ça à des élèves du lycée ou de première année d'université. Et mais inévitablement, une fois qu'ils ont atteint le public, disons, des autres langues, il est beaucoup plus secondaire, à part s'il est particulièrement intéressant pour, typiquement, bah, je pense, Gauvin le Chevalier Vert, vous trouvez une traduction aujourd'hui parce que Tolkien en a fait une traduction, il est rentré dans la culture populaire française par à la fois ce côté... l'influence de la pop culture américaine et anglaise. Mais c'est pas inévitable. Il aurait très bien pu ne jamais être trouvé d'intérêt à être traduit en français. Je pense qu'il y a aussi cette recherche. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est vrai que si je dois lire une œuvre qui est longue, compliquée, difficile d'accès, souvent chère, si encore la traduction existe, et que je dois la lire, et qu'en plus, on me dit « Ah, au fait, cette œuvre n'a rien d'original », ça ne va pas forcément m'intéresser. Je pense typiquement au cas pour le hollandais, bon c'est un peu plus tardif, le Lancelot Compilati c'est autour de 1320 j'ai envie de dire, donc début du 14e siècle, mais ce qui intéressait déjà les spécialistes français, typiquement Gaston Paris, il écrivait sur toutes les œuvres isolées qu'il avait pu trouver, tous les romans arthuriens qu'il avait pu trouver, et la seule chose qui l'intéressait dans les textes hollandais c'était les originaux. Donc c'est la romance de Maurienne, qui est un peu celle qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est ce chevalier noir qui n'existe pas en dehors. Vous avez l'histoire de Lancelot et la biche au pied blanc. C'est une histoire de chasse de Lancelot qui est aussi originale au hollandais. Puis vous avez deux, trois de ces romances intégrées dans cette longue fresque en prose. Mais la question de la traduction du Lancelot en prose, par exemple, ça intéresse personne. Le prosa Lancelot allemand aussi, je pense qu'on ne va pas vous en parler, parce qu'il y a sûrement des tas de choses absolument fascinantes dans comment cette œuvre a été adaptée en allemand, mais ça demande un niveau de comparaison côte à côte et d'analyse qui est très difficile à rendre intéressant sur le plan narratif. Et puis c'est vrai que nous, ce qu'on fait ici, c'est surtout réduire ces histoires à ce qui se passe dedans. Le côté littéraire, la beauté littéraire de ces textes en vieil allemand, on va pas vraiment réussir à vous la restituer. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi que, inévitablement, en dehors d'un certain public, de certaines collections qui vont vouloir explicitement offrir, disons, des œuvres importantes pour d'autres littératures, je pense qu'il y a peut-être un milieu culturel précis et qui existe en France, hein, certainement, qui va vouloir pouvoir lire des traductions de ça. Maintenant, en dehors d'un... la littérature comparée, justement, typiquement les étudiants en littérature comparée en France, par exemple, ils vont peut-être devoir lire Ewain ou bien Lancelot en allemand. Vu qu'ils n'ont pas forcément l'allemand comme langue, ils ont sans doute de l'anglais, ils vont peut-être avoir de l'italien, mais l'allemand peut-être pas. Ben voilà, c'est important que Champion leur fournisse une édition en prose traduite en français. Mais est-ce que c'est indispensable de le faire pour toutes les œuvres qui ne sont pas au programme de l'agrégation ou de je ne sais quel concours que les Français aiment bien, je pense que c'est aussi dicté par ça en partie, le calendrier des programmes et ce qu'on étudie telle année, quoi. Tel concours de l'enseignement va fournir le Ewain ou le nécessité qu'on lise le Chevalier à la Roue, on les lit, on les traduit, puis c'est fait. Et puis personne ne s'intéresse au EREC parce qu'il n'a jamais été au programme. C'est aussi une partie de la composante, en tout cas pour la francophonie, en tout cas, je pense. Bon, Pierre, j'ai mentionné ironiquement Daniel Buchinger, mais Daniel Buchinger, c'est la grande spécialiste des œuvres allemandes, arthuriennes. Puis elle a fait la traduction du Parsifal, elle en a fait même plusieurs, le Lancelot, puis en dehors d'elle, il n'y en a pas tant que ça qui bosse là-dessus, pas forcément le public encore une fois, mais c'est parfois dommage. On va, je pense, gentiment commencer à vous parler un peu justement de ces œuvres un peu plus dans le détail, dans qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant. Je pense que Lancelet, ça va être un peu le plus original dont on va vous parler aujourd'hui. Il se prête bien à cette lecture parce que justement, il nous présente un portrait inhabituel de Lancelot. Il fait référence à plein de motifs qu'on a déjà vus, l'enlèvement de Guenièvre, la vouivre désenchantée par le jeune amoureux, le manteau, justement, je l'ai mentionné avant, le manteau de chasteté, ces tests de chasteté à la cour d'Arthur. Donc, vous avez plein de petits bouts que vous pouvez facilement connecter à différents parallèles, soit folkloriques, soit arthuriens, soit littéraires, qui rend, à mon avis, la lecture un peu plus intéressante, alors que je vous parlerai tout à l'heure de Vigalois. Là, on a quelque chose qui est un petit peu moins trépidant pour le lecteur, j'ai envie de dire. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on va vous résumer certaines œuvres très brièvement, on vous les parler, mentionner dans quelques minutes, alors que Lancelot, on va passer peut-être un peu plus de temps dessus. Mais d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de commencer à en parler justement en propre, et on va peut-être commencer justement par « À tout seigneur, tout honneur », à Hartmann von Aue, ou Aue, je ne sais pas comment prononcer le nom d'Hartmann von Aue. D'instinct, je dirais « Aue ». Ah ouais. Alors il y a plusieurs Aue en Allemagne parce que ça veut dire Aue, c'est Au, ça veut dire ça vient du proto-germanique qui veut dire la rivière, enfin en tout cas l'eau qui bouge. Donc il y a plein de rivières qui s'appellent l'Ar, l'Au, etc. En l'occurrence, je crois que Hartmann von Aue, on suspecte qu'il vienne de Souabe. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Ça serait une certaine, un endroit qui s'appelle Obernau sur le Neckar, donc près de dans le bas de Württemberg actuel. C'est vraiment près de Tübingen, donc au sud-ouest de l'Allemagne, dans un contexte effectivement proche, disons, de la francophonie. La Souabe a toujours été en relation assez étroite avec le monde francophone. Hartmann von Aue vient d'un milieu, disons, qu'on appellerait ministériaux en Allemagne, je crois, dans le Saint-Empire. Je suis pas un grand spécialiste des... Je devrais l'être, parce que c'est ce sur quoi je l'étudie en ce moment, mais il vient d'une espèce de petite noblesse, très haute bourgeoisie. Disons, c'est des espèces de relations de service qui sont très proches du servage en termes en termes légal, parce que vous êtes lié vraiment à un endroit et à la terre. Et vous avez une éducation, vous allez peut-être avoir des responsabilités importantes, vous allez peut-être pas faire partie d'une classe administrative assez, assez puissante, mais vous êtes techniquement dans une relation de service assez étroite avec un noble. Et en l'occurrence, Hartmann appartiendrait à ce milieu-là. Il serait allé en croisade avec Henri VI, donc en 1197. Vous vous souvenez que son père, Frédéric Ier, Barberousse, avait essayé d'aller en croisade et puis il était mort. On ne me l'a fait pas, j'ai joué à la campagne de Age of Empires 2. Exactement, mais il était mort avant d'arriver en Terre Sainte. Et du coup, Hartmann serait allé avec le fils, donc l'empereur Henri, qui était mentionné à la fin du Lancelot comme étant celui qui aurait reçu les otages de Richard Coeur de Lion. Il traduit, Hartmann, deux œuvres de Chrétien de Troyes. D'abord Erec, probablement en premier, puis ensuite Iwain. Mais il a aussi écrit beaucoup d'autres œuvres. Il a écrit plusieurs poèmes de Minnesang, cette chanson d'amour, donc c'est cette qui est compilée dans le Codex Manessé, hein. Cette chanson d'amour allemande, les Minnesänger, vous vous souvenez peut-être c'est assez proche de ce qu'on dirait d'un troubadour, en fait. Alors c'est une branche particulière, mais si on voulait traduire. Oui. Exactement. C'est ce qui a évolué pour devenir plus tard le Meistersinger, le maître chanteur. Donc les maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner, trouvent leur origine dans les Minnesänger, à l'exception qu'ils sont surtout des aristocrates, les Minnesänger. Et c'est vraiment des grands. C'est un peu exactement comme les troubadours, mais disons plus nobles en termes en termes de leur art, c'est les proches des troubadours, effectivement. En termes de milieu social, ils sont quasi exclusivement nobles ou, comme Hartmann, vraiment des couches supérieures de la population, alors que les troubadours pouvaient tout à fait être des gens du commun. Si, ils ont aussi eu des... Il y avait aussi les premiers troubadours qui étaient des... Mais c'est ça, les premiers troubadours connus étaient des nobles. C'est ça, exactement. Et c'est pareil avec les... Et c'est pareil certainement avec les Minnesänger allemands qui sont restés plus longtemps peut-être aristocrates. Tannhäuser, par exemple, dans l'autre opéra de Wagner. Il faudrait qu'on fasse un challenge où tu parles de littérature médiévale allemande sans mentionner Wagner. C'est assez difficile. C'est difficile parce qu'il a adapté beaucoup de matières. Il trouve son côté pan-germanique, je pense, trouve beaucoup de sources dans ce médiévisme allemand du XIIIe, XIVe siècle. XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Donc, les Minnesänger vont écrire des poèmes d'amour et 18 chansons d'amour sont attribuées à Hartmann. Il a écrit aussi un Grégorius, qui est une adaptation, je crois, d'une espèce de... Disons, il y a un côté assez roman dedans. Il a un style inspiré apparemment de la matière de Bretagne. Mais c'est vraiment... c'est l'histoire d'un... Ça aussi, il y a un motif qu'on trouve aussi dans des romans anglais. C'est l'histoire d'un enfant né dans des circonstances horribles ou diaboliques, en l'occurrence une union incestueuse, mais qui devient pape, en fait, malgré le fait qu'il, entre deux, va épouser sa mère, par exemple. Et puis, il y a le pauvre Henri, des Armées Heinrich, auquel il se présente notamment, qui est une espèce de l'histoire d'un lépreux qui va être soigné par une jeune femme qui se sacrifie pour lui. Une histoire aussi d'une jeune femme qui est sacrifiée pour soigner un lépreux ou une lépreuse. On trouve aussi ça dans le... On connaît ça. Hein. Comme la sœur de Perceval. Voilà, il y a pas mal de discours assez religieux, disons, dans ses œuvres. Et puis, du coup, on a ce Erec et ce Yvain, qui sont, disons, relativement... Ils ont, chez Chrétien, les deux sont souvent vus en relation, le Yvain comme un Erec inversé. C'est-à-dire, Erec, lui, va oublier la chevalerie pour l'amour de sa femme, alors que Yvain va oublier sa femme pour l'amour de la chevalerie. Mais ce n'est pas explicite chez Chrétien, ce n'est pas dit exactement. Par contre, Hartmann va le faire. Et c'est là sa principale, peut-être, différence avec Chrétien, c'est qu'il prend des récits, il garde les récits très très proches, les événements sont quasi identiques. Il y a deux, trois différences de personnages qui font quoi. Et les personnages vont par contre avoir une personnalité assez différente. Typiquement, son Yvain est beaucoup plus tendre entre les deux personnages clés, à la fois Yvain et Laudine. Laudine va être beaucoup plus amoureuse. Elle va s'excuser à la fin d'avoir provoqué la détresse d'Yvain, qui, dans cette version-là, ne devient pas fou et n'est pas exclu par sa folie, mais est vraiment chassé du monde chrétien par sa femme parce qu'il l'a désobéi. Il y a vraiment des différences, disons, plus nettes dans le fait qu'Hartmann expose les deux, Erec et Yvain, comme opposés. Il y fait référence exactement. Il mentionne ça explicitement et il met beaucoup de ce qui est du sous-texte chez Chrétien dans le texte. Il va aussi en faire une histoire beaucoup plus sociale, alors que Chrétien, disons, met beaucoup d'emphase sur les relations interpersonnelles. Hartmann s'intéresse beaucoup au statut social et à ce que ça implique et à la position dans la société. Même s'il est d'un autre côté beaucoup plus tendre dans l'écriture de ces deux personnages, il va aussi moins s'intéresser à ce que ça dit sur leurs relations entre eux et peut-être aussi plus à pourquoi Yvain ne peut pas désobéir à sa femme. Quel rôle il doit jouer dans la société. Donc c'est intéressant parce que c'est... Un peu moins de psychologie aussi, ou bien est-ce que ça reste ce qu'on a aussi... J'ai l'impression que c'est moins, effectivement, les résonances sont moins psychologiques, même s'il y a un côté beaucoup plus, disons, humanisant. Il va être beaucoup moins dans des études de... J'ai l'impression qu'il est moins dans des études de personnages parfois un peu étranges que Chrétien fait, alors que Hartmann va se concentrer sur des trucs, disons, à rendre ses personnages un peu plus... pas forcément générique, mais en tout cas plus appréciable, plus ce qui fait pour humaniser, par exemple, Laudine, qui est effectivement un peu ce personnage un peu particulier, disons, chez Chrétien, parce qu'elle est vraiment, elle a vraiment un rôle assez ambigu, disons. Yvain tombe amoureux d'elle alors qu'il vient de tuer son mari, elle épouse le meurtrier de son mari, il désobéit à sa femme. Il y a vraiment toute une histoire de un peu ambigu dans leur relation, et elle est un peu froide, réservée, et c'est Lunette qui prend beaucoup du rôle, sympathique chez Chrétien. Là, il y a vraiment... peut-être pas une psychologisation différente, en tout cas, même si elle n'est pas... je pense pas qu'il y ait une différence dans le fait qu'il met moins de psychologie là-dedans. Je pense que c'est peut-être plus... il adapte ça à son public. Plus d'intérêt pour la position sociale des gens, plus dans la société. Voilà, ouais. Je pense que ça s'explique en partie peut-être par un milieu social très différent en Allemagne. Le Saint-Empire est comme un terrain compliqué du point de vue de la noblesse, à quelle catégorie de la population vous appartenez. Beaucoup plus structuré, plus hiérarchisé peut-être que certaines cours françaises, où il y a quand même plus de... Disons, où l'auteur d'un roman peut être un chevalier peut-être pas forcément très... Ouais, il y a de ça. Puis je pense aussi qu'il y a le côté, les auteurs français et anglais... ou anglo-normand, il y a peut-être un côté pas nationaliste, mais un bagage culturel, on perçoit ça comme plus proche culturellement, et du coup les relations politiques et le côté vraiment humain est peut-être, plus focalisé sur vraiment le rôle dans la une espèce de fantasme plus général de la, du rôle que ça joue pour la culture, alors que là, on va s'intéresser vraiment à des aspects assez différents. On va plutôt mettre l'accent sur, voilà, ça va être le cas notamment pour ce côté vraiment adapté au public. Les mœurs vont pas être les mêmes, par exemple. On peut le voir avec, par exemple, Lancelot dans la version du Lancelot qu'on va voir aujourd'hui. C'est tout à fait différent du Lancelot, mais c'est aussi en même temps différent d'Erek et de Ywain. Hein. Il n'y a pas une homogénéité, disons, tout à fait nette dans la façon dont ils adaptent le discours de leurs prédécesseurs français. Mais je pense quand même qu'il y a une espèce de travail, disons, plus adapté au monde germanique, ça c'est assez certain. Et c'est en ça qu'il altère le plus l'œuvre de Chrétien, plus que l'altérer dans le côté narratif. C'est pour ça peut-être que ça ne mérite pas qu'on s'y attarde si longtemps que ça, comparé par exemple au Lancelot ou bien même au Parsifal ou du Cronet. C'est vraiment une œuvre qui est restée relativement proche en termes narratifs. Mais qui remet quand même en perspective peut-être, qui crée des symétries là où il n'y en avait pas, qui adapte à un différent tissu social. Mais du coup, effectivement, pour l'intérêt, si vous lisez les deux côte à côte, ce sera surtout, on va dire, les scories, un peu. Disons, c'est la traduction elle-même qui est intéressante plus que le contenu. Voilà, je pense que si vous vous intéressez au milieu, je pense que c'est plus intéressant de lire le Erek, si vous vous intéressez, ou le Ywain, hein, si vous vous intéressez à ce milieu social, à ce milieu de poètes de la fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, si vous vous intéressez à comment ils vont travailler leurs matériaux, plutôt que vous intéresser à la matière de Bretagne en tant que telle, en fait. Ça ne va pas vous révéler quoi que ce soit. Ça peut éventuellement être intéressant si vous partez du principe, par exemple, pour le Lancelot, on va le voir plus tard, qu'il y a une source qui est différente de celle de Chrétien. Mais dans le cas d'Erek et d'Ywain, c'est clairement pas le cas, parce que les deux sont littéralement presque à l'incident près des relectures directes de Chrétien. Toi, par contre, tu t'es penché un peu plus sur le Vigalois ou le Wigalois, oui, le chevalier à la roue. Le Vigalois ou le chevalier à la roue de Wirt von Greffenberg. Alors, comme on l'a dit avant, ce serait une ville. On a très peu d'informations sur lui. On essaie de presser le texte pour en tirer des choses, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Greffenberg est donc en Bavière, de nouveau plutôt le sud. Vigalois ou le chevalier à la roue, c'est une œuvre qui aurait été écrite entre 1204 et 1215. Réécrit notamment, ou je crois que j'ai dit 15e avant, mais non, c'est au 16e siècle, en 1556, Vigolais à la roue d'or, qui a été, je crois que généralement on édite peut-être pas les deux ensemble, mais en tout cas les introductions vont mentionner quel différence il y a entre les deux incarnations du personnage, ce qui montre que ces œuvres sont quand même connues tout au long du Moyen-Âge, même au-delà, dans le milieu allemand, même avec des éditions imprimées pour certaines comme celle qu'elle a. C'est une œuvre qui est vraiment très proche de l'histoire du bel inconnu, donc un fils de Gauvin que Gauvin a eu avec une fée qui va ensuite avoir des aventures qui vont confirmer un peu son statut et puis qui se finit où lui aussi engendre un autre enfant, donc le petit-fils de Gauvin. C'est surtout le début qui ressemble au Bel Inconnu, logiquement, et c'est marrant de dire ça, parce que le Bel Inconnu, le début manque un peu, il est toujours raconté par flashback dans ce qu'on a, mais ça fait partie du même type d'histoire, donc ça se pose la question, si vous abordez ça dans l'angle folklorique, est-ce que c'est juste un type d'histoire qui était beaucoup plus répandu dans de la littérature orale, les gens se le racontaient, et puis il a été adapté à droite à gauche, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait le Bel Inconnu, on peut se demander. Donc l'histoire, c'est que devant la cité de Carduel, où Arthur parfois tient sa cour, mais là en l'occurrence c'est surtout parce que Gauvin est devant et il est fait prisonnier par un certain roi Floréis. Alors c'est un nom, roi Flore, qu'on associerait peut-être avec les rois de France. On a ces rois fictifs de Gaule, pardon, qui reviennent parfois, mais là en l'occurrence c'est un espèce de chevalier un peu féerique, un roi même, qui a une pierre magique qui lui confère des espèces de pouvoirs, et il arrive à surmonter Gauvin comme ça. Il emmène Gauvin comme une espèce d'otage, de prisonnier avec lui, il le traite très bien, et il lui présente sa sœur, la fée Florie, donc Florie, sœur de Floréis. Gauvin tombe complètement en pamoison, il devient immédiatement amoureux, il la voit il se dit « mais est-ce que c'est un ange ?» Elle est plus qu'humaine, tellement elle est belle. Floréis lui propose donc de l'épouser, donc ça se passe plutôt bien, et... il est plutôt content parce qu'il se dit c'est le neveu du roi Arthur, c'est pas rien quand même, c'est un bon parti pour ma sœur. Gauvin est plutôt content. Et un jour naît un certain, justement, Vigalois, qui plus tard séjourne de nouveau à Carduel, et il y a une demoiselle accompagnée d'un nain qui vient à la cour d'Arthur et qui réclame qu'un chevalier tente une aventure. Donc voilà, est-ce qu'il y a un chevalier qui va être, tenter l'aventure de Corotin, c'est-à-dire délivrer un endroit qui est sous le joug d'un méchant chevalier, un cruel chevalier qui s'appelle Roas de Glois, ou de Glois, et qui a trahi jadis et assassiné l'ancien roi de Corotin, donc l'endroit où il faut aller faire la quête. Végalois, s'il y arrive, obtiendra l'amour de la belle Larille, qui est la fille de ce roi qui avait été assassiné traîtreusement. Alors il part avec la demoiselle et son nain, donc là on est assez... Il y a peut-être moins la question de l'identité qui se pose que dans Le Bel Inconnu, bien sûr, mais le début est quand même assez proche. Jeune chevalier, fils de Gauvin avec une fée, qui doit faire ses preuves quand une demoiselle vient à la cour annoncer une aventure. Il prouve sa valeur en battant un chevalier rouge, alors là on pense un petit peu plus à Perceval. Après quelques aventures, il rencontre Larry, il en fait connaissance et il tombe amoureux d'elle, bien sûr, dans un château qui s'appelle Roymund. Il suit un cerf, je crois que dans la version originale c'est un cerf qui a une couronne, donc là on pense un peu à ce qu'on va retrouver plus tard dans le Lancelot en prose, mais théoriquement l'œuvre aurait peut-être même été écrite avant. Alors là il y a un petit peu de débat, justement la date devient un peu cruciale. Est-ce que c'est une preuve que cet archétype du cerf qui a une couronne existait avant et a été recyclé par la quête du Saint Graal et le Lancelot en prose, ou bien est-ce que c'est que le Vigalois a été écrit plus tôt autour de 1220 et donc il aurait pu s'en inspirer. Mais il y a des gens qui penchent plutôt du côté folklorique, donc ce serait une de ces histoires sur parce que ce cerf, il va se changer en humain. Et on apprend que c'est le fantôme de l'ancien roi de Corotin, enfin c'est une espèce d'esprit, et il lui donne une feuille de tilleul ainsi qu'une lance pour tuer l'horrible dragon Phaéton, ou Phaéton. Donc là, c'est vrai que niveau folklorique, il y a pas mal de choses qui ont l'air de s'aligner. On a quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'histoire de Tiolet, si je dis pas de bête, donc avec le chevalier bête qui a un cerf, qui se change en chevalier, qui initie un peu Tiolet. Et donc, on a l'air d'avoir un peu la même chose. Donc, ce serait le même archétype que Perceval, en fait. Si on part du principe qu'il y a un type de conte derrière qui serait la source de ces différentes histoires et que ce n'est pas juste des motifs littéraires qui sont repris, ce serait une histoire sur un chevalier qui a son père, qui se manifeste à lui sous forme de cerf, une espèce de spectre ou de réincarnation comme ça, et qui le place sur le chemin de la vengeance pour qu'il puisse le venger. Le motif de Hamlet, en fait. Aussi. Oui, le père qui apparaît. Mais c'est... Alors, c'est pas animalier chez Hamlet, mais ouais. Hamlet date aussi plus ou moins de l'époque. Disons, il me semble qu'il apparaît notamment dans des œuvres danoises, plus ou moins à cette époque-là aussi. Il trouve ses origines aussi au XIIe, XIIIe siècle. Il apparaît, le Hamlet, donc A-M-L-E-T-H, généralement orthographié, apparaît chez Saxo Grammaticus dans sa geste des Danois, des Gesta Danorum, je crois que c'est le titre. Exactement. Hamlet et Guillaume Tell, d'ailleurs, hein, qui se retrouve à l'origine. Oui, Hamlet, A-M-L-E-T-H, sans le H. Amloth. Effectivement, et ça daterait du 12e siècle. Il y a la chronique de Lettrense, qui est aussi une histoire assez similaire, aussi danoise, donc. Et puis, mais le nom existe depuis l'Edda en prose. Enfin, c'est vraiment... ce serait une histoire d'origine scandinave aussi. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait un fond germanique à tout ça, quoi. Cette histoire du père qui vient pour sa vengeance, qui vient parler à son fils depuis l'au-delà, quoi. Après, c'est un motif qui semble suffisamment courant pour se retrouver dans plusieurs endroits sans que ce soit nécessairement lié. Mais donc, oui, l'histoire de Hamlet a quand même des différences. Je ne sais pas s'il y a déjà le fantôme dans la... Il y a la vengeance, en tout cas, puis la folie, feinte, ça, je sais qu'il y a. Je ne sais plus s'il y a déjà l'apparition fantomatique. Mais c'est clair que c'est un motif folklorique beaucoup plus large, ça aussi. Puis aussi, la lance et puis la feuille de tilleul pour se battre contre un dragon, j'ai l'impression de voir une version un petit peu remixée de l'histoire de Siegfried, tu vois. L'association entre une feuille et un combat contre un dragon, en fait. Même... Oui, il y a sûrement quelque chose. Parce que dans l'histoire de Siegfried, où il se baigne dans le sang du dragon, puis il y a une feuille qui tombe alors qu'il essaie de faire ça, et puis ça lui couvre. Il y a une partie de sa peau qui n'est pas couverte par le sang du dragon, et du coup, il y a une partie de lui qui n'est pas invulnérable, qui n'est pas rendu invulnérable par ça. Ça me fait penser à ça, mais bien sûr, là, on est tellement éloigné en termes de fonction que c'est un peu plus difficile. Disons, ça. De nouveau, l'histoire de Siegfried existe de façon plus ou moins contemporaine à travers les Nibelungenlied, à ces œuvres dont on parle, hein, donc c'est pas non plus, ce serait pas non plus surprenant, entièrement surprenant que ce soit qu'il y ait un lien. Mais donc, Vigalois arrive à tuer le dragon Phaethon, il arrive ensuite à délivrer le comte Moral, qui s'appelle, qui est donc un de ses objectifs dans cette quête de libérer cette région. Il est attaqué par Ruel, qui est une femme sauvage. Donc ça, c'est un personnage qu'on n'a pas forcément souvent. Et puis, il tue le nain Karios. Donc là, il tue un nain quand même. Et puis, un nommé Marine, une sorte de centaure, mais qui a une tête de chien. Donc une espèce de... Bon, la description est un peu... Voilà. Qui sont les deux des serviteurs de ce méchant chevalier Roas. Et après avoir combattu un comte Adam, qui... Par contre, il ne le tue pas, lui, il va réussir à le soumettre, à en faire il va devenir son ami, il va se soumettre à lui et le rejoindre. Et après ça, il parvient à tuer Roas et à épouser Lari. Alors que ses noces sont juste terminées, il y a une espèce de deuxième aventure, donc là, il a réussi à épouser sa dame. Et il part à Namur, aidé avec Gauvin, Yvain, Erec, Lancelot... ainsi que le comte Adam et sa femme marraine pour venger un roi Amiré de Libya. Donc, qu'est-ce que c'est l'émir de Libye? Amiré de Libya, de son assassin qui s'appelle Lion. Marraine et Adam trouvent tous les deux la mort au cours de la bataille, apparemment, et puis le roman se termine sur le fait que sa femme lui donne quand même un fils, Benéamis, donc je pense bon ami. Bon ami. Bon ami, ouais. Une transcription du français bon ami. Il y a beaucoup de mots directement en français dans le texte, littéralement, dans les œuvres allemandes dont on vous parle. Hein. C'est souvent un motif, disons, qui est récurrent, comme pour montrer qu'ils avaient bien lu la version française. Oui, ou alors, par exemple, le terme, par exemple, quand il parle dans même chez Wolfram, je crois, ou sûrement dans le Lancelot, quand il parle de la bonne amie du chevalier, ils utilisent parfois le mot ami, par exemple. Donc ça, c'était... Je ne veux pas forcément aller plus dans le détail du Vigalois, qui est finalement assez simple. Donc c'est, vous voyez l'histoire engendrée par Gauvin et une fée, suite d'aventure, il réussit pratiquement toujours. Ce n'est pas forcément un des romans les plus intéressants, parce que chez Chrétien, par exemple, en fait, vous avez toujours des grandes crises. Le héros a une grande crise. Il arrive à un point dans sa vie où sa vie ne fonctionne plus. Il a donné trop d'importance, comme tu l'as dit, à la chevalerie ou à l'amour. Il n'arrive pas à maintenir cet équilibre entre les deux. Et il craque. Et parfois, il devient fou, il s'enfuit, etc. Les héros allemands, en général, ils n'ont pas forcément ça. Ils vont de victoire en victoire. Ils sont super forts. Ce qu'on trouve aussi dans des romans français, bien sûr. Mais il y a moins ce côté... Et j'ai envie de dire de torture psychologique pour le héros. C'est ce qu'on va voir de Lancelot. Daniel Buchinger disait justement que c'était un héros qui ne traverse pas de crise, en fait. Il a des épreuves, il les surmonte, mais il n'y a aucun moment où il est vraiment submergé ou vraiment mal en point, en fait. Ouais, ça arrive pas à lui, en fait. Ça arrive à d'autres dans le Lancelot, comme on va le voir. Ce qui n'est pas complètement vrai pour le Lancelot, parce que le début, il y a une crise, effectivement, mais au-delà de ça... Bon, la fin, là, il y a un moment où il est prisonnier, oui, quand même. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que lui, t'es sûr que c'est sûr, il y échappe de façon tellement facile que c'est presque un peu ridicule, en fait. Peut-être mentionner, avant qu'on commence à parler du Lancelot, qu'on va peut-être une petite pause musicale, mentionner peut-être des éditions où les gens peuvent lire... Hartmann von Ayer et Wernt von Graffenberg. Wernt e-books, alors je ne sais pas s'il y a des e-books, pardon. Hartmann, vous le trouvez justement en partie en français, pas tout. Justement, Erec n'a pas, je crois, été traduit en français. Par contre, Ewain l'a été justement par Daniel Buchinger dans la traduction des classiques du Moyen-Âge. Elle est parue il y a 2 ans. Donc c'est possible qu'il en ait un prévu pour Erec à l'avenir. Mais il y a pas mal d'éditions en anglais des deux. Je ne vais pas vous les résumer toutes, mais les œuvres complètes d'Hartmann Fodayer ont été publiées à l'Université d'État de Pennsylvanie, à la presse de l'Université d'État de Pennsylvanie, sous le titre Arthurian Romances, Tales and Lyric Poetry, The Complete Works of Hartmann Fodayer, par Frank Tobin, Kim Vivian et Richard Lawson. C'est une traduction en anglais et en prose, mais les poèmes sont traduits de façon en vers. Vous trouvez tout et ça se trouve, vous trouvez je crois que ça existe en e-book, vous le trouvez assez facilement, il date de 2001. Je pense que vous pouvez aussi le trouver. Il y a aussi une traduction globale de Narrative Works of Hartmann Fodayer qui enlève la poésie lyrique. Vous avez comme le Grégorius et le pauvre Henri avec. Mais autrement, voilà, il y a des traductions en anglais. Pour l'instant, il manque le REC en français. Peut-être que justement Daniel Buchinger va nous le fournir. Je crois qu'il y a une traduction bilingue en français qui existe aussi. Avec une édition à Brepols, enfin chez Brepols, dans les textes vernaculaires du Moyen-Âge, avec un texte et une traduction par Patrick Del Luca. Donc si vous voulez avoir le texte en allemand à côté du français, ça peut être une solution. Il pourrait, bien sûr, sinon il existe toujours vous avez toujours le choix d'aller... Mais je crois qu'il y a moins effectivement d'éditions d'Erek aussi, comparé à Iwane qui a été peut-être un peu plus... qui a été un peu plus édité aussi. Donc c'est pas un biais que francophone, ce que je vous dis là. Pour Vigalois, il y a eu le Vigoleis, donc qui a une édition imprimée même plus tard, de 1600 et quelques, donc au XVIIe siècle, qui a été imprimée aux presses de l'Université Paris-Sorbonne, qui est une traduction qui a été imprimée. Ils ont aussi repris les illustrations, les gravures qui ont été prises dedans. C'est peut-être intéressant, il y a quelques variations dans l'histoire imprimée, notamment je crois que le cerf devient un dragon. Donc il y a quand même 2-3 changements que je ne pourrais pas vous dire côte à côte, mais le plus simple généralement c'est justement Daniel Buchinger qui a traduit au Vigalois le chevalier à la roue dans les traductions des classiques du Moyen-Âge en 2004, et il avait aussi été édité en 2001 chez Elug par Claude Lecouteux et Véronique Lévy. Donc ça c'est peut-être probablement plus difficile à trouver en termes de tirage bêtement. Mais Vigalois a été édité, ça peut se retrouver par-ci par-là. Préciser que Daniel Buchinger n'est pas Buchinger peut-être plutôt ne représente pas qu'une traduction, un côté français. Hein, elle a aussi publié la dernière édition en date de Vigalois par exemple en allemand, pour un éditeur allemand en l'occurrence. Donc c'est pas seulement, elle ne fait pas que traduire. Elle n'est pas que ambassadrice de la germanistique, elle est elle-même. Une des grandes spécialistes. Voilà, elle est... Même du côté, même autre. Voilà donc où vous pouvez lire ces trois œuvres, en tout cas. Je pense pas qu'on s'appesantira plus avant même sur Erek et Iwane. Mais on va par contre se pencher un peu plus en détail sur le Lancelet. Du coup, avant de vous reparler du Lancelet, on va vous faire entendre une chanson de Minnesänger qui s'appelle Owe der Renot. Un Minnesänger qui s'appelle Neidhart von Röjenthal. Et on va écouter Mary Springfield à la viole de gambe, qui dirige le Newbery Consort, et c'est la voix du contre-ténor Drew Minter. Dass ich angeb On écoutait Owe dire Not, une chanson de Minnesänger allemande du XIIIe siècle, composée par Neidhardt von Royenthal et avec Mary Springfield à la viole de gambe et Drew Minter à la voix. Et on va vous parler du Lancelet d'Ulrich von Zatzikofen. Zatzikofen, c'est difficile à prononcer effectivement pour ma langue. Pourtant, germaniste depuis que je suis tout petit. Zatzikofen, en fait, c'est pas si loin de chez nous, puisque c'est assez, pas logiquement, mais un nom qui sonne très helvétique pour nous, Zatzikon, qui est un nom qui se trouve, en fait, dans... alors, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez savoir si vous êtes français, je vous dirais autour de Zurich, mais en fait, ça vient de... c'est autour de Frauenfeld, donc dans le canton de Thurgovie. On n'est pas très loin du... on est vraiment en Suisse centrale, pas très loin de Zurich. Enfin, en Suisse centrale, Suisse du Nord, disons, mais pas trop loin de Zurich. Et du coup, ça illustre bien aussi que ce milieu allemand, disons, de l'époque, c'est pas simplement, c'est pas l'Allemagne géographique actuelle, hein, c'est vraiment, c'est vraiment un milieu qui n'a pas la frontière qu'on connaît maintenant, simplement parce que bah, à l'époque de notre ami Ulrich, la Suisse n'existe pas. Il y a quelques cantons, ce qu'on appellera plus tard des cantons, qui sont autour du lac des Quatre Cantons et qui ne sont même pas encore unifiés, ou qui n'ont même pas encore d'alliance entre eux. Et pour l'instant, c'est vraiment un milieu encore qui a pas mal de petites noblesses fragmentées dans tous les coins. Un milieu qui va d'ailleurs perdre la Suisse, en tout cas le territoire de la Suisse actuelle, c'est sa caractéristique principale, perdre une grande partie de ces familles nobles qui vont disparaître les unes après les autres en laissant plus que les Habsbourg un peu dernier debout dans la haute noblesse suisse. Mais Ulrich von Zatzikofen donc existe dans ce contexte là il est actif autour de 1200. On pense qu'il est mort, je crois, autour de 1210, si ma mémoire est bonne. On sait pas grand chose sur lui, hein, comme on sait pas grand chose sur la plupart de ses auteurs. Sur la datation, on tombe autour du premier tiers du XIIIe siècle. Donc ça pourrait être un petit peu après ça quand même. Disons, il n'est pas spécifiquement... on sait qu'il n'est pas aussi connu qu'Hartmann, il n'est pas aussi connu que Wolfram. Il n'apparaît pas dans le Codex Manessé, par exemple. Donc c'est pas forcément surprenant qu'il ait été un peu moins connu. Il semble même pas avoir été un Minnesänger comme les deux autres. C'est possible qu'il ait été par exemple un prêtre ou en tout cas un type un peu moins haut placé dans la hiérarchie sociale, parce qu'on a un Ulrich de Zatzikofen à Lomis, toujours dans le canton de Thurgovie actuel, autour de 1210-1214, qui aurait été témoin d'un don. Donc ça serait peut-être lui, ça serait assez logique en tout cas. Donc vraiment un type assez qui n'a pas ce profil qui n'est pas le profil d'un Hartmann ou d'un Wolfram, et qui, ironiquement, semble presque peut-être plus proche d'un chrétien, en fait, en termes de profil. Non, un peu... Ça, pour son profil social, probablement qu'on est plus de ce côté-là. C'est difficile à dire, hein, de quelle origine sociale vient un chrétien, d'ailleurs, hein, de la même façon. Oui, on avait mentionné les quelques théories dans nos épisodes. Sur le plan littéraire, par contre, il s'inspire vraiment beaucoup de ses prédécesseurs. Genre ce que Eilhard von Oberge avait fait dans son Tristrand, il va reprendre certains des formules ou des paroles ou des serments de chevalier qu'on trouve chez lui. Chez Wolfram, il prend plusieurs choses, notamment des graphies. Il mentionne par exemple Gornemann de Goro, mais il utilise Gornemanns, exactement la même forme que Wolfram. On pense qu'il l'a reprise chez lui plutôt que chez Chrétien, même si c'est possible théoriquement qu'ils connaissent le français. Il va reprendre aussi certaines choses qu'on trouve chez Wolfram, typiquement, bon alors c'est un peu plus large que ça, mais typiquement chez Wolfram, vous vous rappelez, c'est toujours les femmes qui démarraient les relations amoureuses, pratiquement. Elles avaient toujours ce côté où elles se jetaient un petit peu sur les héros et puis essayaient de les attraper, de les maintenir chez elles. C'est quelque chose qu'on va aussi avoir ici, où on a vraiment des dames qui font la queue pour se précipiter sur Lancelot. Ça, c'est parmi les motifs qu'on trouve parallèles. Beaucoup de motifs qui sont assez courants dans les textes arthuriens en général. On a le combat du héros avec Gauvain, qui est quelque chose d'assez, qui est un cliché à ce stade, hein, qui est au tournant du début du XIIIe siècle. C'est quelque chose qu'on a, qui est une étape obligée. Hein, on se combat et puis au bout d'un moment, on se reconnaît et puis on se prend dans les bras, etc. Il y a un épisode avec une fontaine où il y a un tilleul qui est vert toute l'année, puis en tout il y a une fontaine et puis il y a une cymbale qu'on doit faire sonner si on veut accomplir un exploit. Bah là on pense au chevalier au lion de Chrétien, mais qui a été repris bien sûr dans le Ewine de Hartmann. Donc est-ce qu'ils connaissent ces œuvres directement ou par leur traduction, c'est pas toujours clair. Le motif de Erec offensé par un fouet de nain un nain qui le fouette et qui le déclenche une espèce de vengeance. On a mentionné l'enlèvement de Guenièvre par Valérin, qui est un motif à ce stade classique. On a ce qu'il y avait déjà dans le conte du Graal de Chrétien, puis qui est devenu un cliché absolument ultime de toutes ces romances isolées ou Gauvain adjacentes, où vous avez un héros inconnu qui envoie des gens à la cour ou qui fait des exploits partout, puis il y a des rumeurs qui arrivent à la cour qu'il est... Il y a ce chevalier qui est super fort et puissant et beau, etc. Et Gauvain se met en quête du chevalier. Donc tous ces motifs-là, les beats de l'histoire, si vous voulez, le rythme de l'histoire, il est quand même assez familier, quoi. Et le truc, c'est que même si c'est une œuvre qui est assez tôt dans cette tradition, on l'a dit, il n'a pas tant de prédécesseurs que d'en a conservé les œuvres. Buchinger, je dis Buchinger parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde le dit à la française, donc je suppose qu'elle-même le dit aussi à la française. Elle voit ce roman comme un patchwork. Elle utilise le mot de patchwork. Des bouts de romans allemands et français, probablement qu'il y a un peu des deux, et que déjà, on n'est plus dans un roman... Elle parle déjà de romans arthuriens post-classiques, ce qui est bizarre pour nous, parce que je vous l'ai dit, c'est une apparition très archaïque par certains aspects de Lancelot, mais pour elle, on est déjà dans une œuvre qui n'est pas une adaptation, donc on est au-delà de ce que Hartmann von Hau faisait. On est dans une œuvre de... Elle parle souvent de recréation, où on va vraiment... Je veux dire recycler, mais ça a une teinte un peu péjorative, mais récupérer, remettre en scène tous ces motifs féeriques. Le sénéchal queue qui fanfaronne et puis qui est blessé avant que le héros arrive en scène, classique. Le chevalier inconnu qu'on va mentionner par la couleur de ses vêtements. Alors Lancelot est d'abord habillé de vert, puis ensuite il est habillé de blanc, et puis à la fin il est habillé de rouge. Donc il est d'abord le chevalier vert, puis après le chevalier blanc, puis après, comme Perceval, le chevalier vermeil. C'est intéressant qu'il a le... Par contre, il a du sinople de couleurs différentes. Aujourd'hui, le sinople, c'est le vert, mais à un moment, il apparaît comme sinople, je crois, alors qu'en allemand, ça illustre le fait qu'en allemand, le sinople soit resté une teinte différente du vert qu'il a fini par devenir chez nous, du rouge. Oui, c'est toujours le rouge encore, par un phénomène qui d'ailleurs, si vous voulez lire Michel Pastoureau dans son histoire des différents livres de ses histoires des couleurs et de l'héraldique, c'est un phénomène qui n'est pas complètement bien compris. Comment ça arrive, hein, les noms de couleurs qui changent, on a des exemples historiques, linguistiques assez répandus à travers le monde, mais c'est vrai que la question de comment sinople a changé de sens est... Pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire de base et pourquoi le sens a changé, que c'est pas super clair. Dans les motifs qui sont arthuriens, mais qui sont plus issus de la littérature médiévale. On les mentionne pas toujours, mais je pense que c'est un des problèmes de cette émission, c'est que vous avez une espèce de des œillères et une espèce de vision en tunnel un peu. Si vous regardez que les choses arthuriennes, bah, tôt ou tard, vous allez bloquer, puis vous retrouvez avec des motifs qui en fait sont parfaitement banals dans la littérature médiévale plus large, mais qui ont l'air un peu remarquables parce qu'ils sont plus rares dans cette section-là. Par exemple, il y a des motifs qui ont l'air de provenir probablement du roman d'Alexandre. Donc cette grande tradition narrative, notamment médiévale, où vous avez ces histoires assez fantastiques sur Alexandre le Grand, très romanesque, où vous avez, là en l'occurrence c'est le thème des automates, la fée marine qui essaye de retenir le héros et qui a des écus sur sa tente, on va vous le mentionner, il y a un aigle d'or qui surmonte sa tente, et puis apparemment il est animé. Il est un peu... Il a un côté vraiment magique comme ça. Oui. Avec des escarboucles. Ça fait aussi penser à la tente d'Alexandre, en fait, quand vous regardez les descriptions de cette tente magnifique et très richement ornée, un petit peu magique peut-être, genre l'espace à l'intérieur, peut-être même l'air un peu plus... Elle a littéralement des propriétés magiques. Oui. Elle peut se rétrécir à la taille qu'on veut, voilà. Ou s'agrandir à la taille qu'on veut, elle peut rentrer... Elle a ce côté très TARDIS. Exactement. Et puis justement, le royaume, à la fin, il y a un truc qui m'a un peu fait penser à différentes choses, par exemple à Geoffrey. Vous avez une espèce de royaume marin de la fée de la mer. Qui est celle justement qui enlève Lancelot au début, donc pour nous ce sera plus tard la Dame du Lac, mais la Fée de la Mer, où on ne rencontre que des femmes, et elle a un fils qui va devenir un adversaire de Lancelot, ce qui est assez intéressant, que le fils de cette dame soit plus tard sur son chemin, Mabuse le poltron, ou Mabuse le trouillard, l'effrayé, qui... Et le magicien du lac embrumé et du marais gémissant, il y a le marais gémissant qui a un pont invisible, donc vous avez ces espaces aquatiques avec des espèces de propriétés magiques. Et puis même un autre personnage, Valérin de la forêt entremêlée, il a son château qui est bâti sur une espèce de hauteur, donc peut-être une falaise, une montagne ou comme ça, et il y a toujours du brouillard. Il y a toujours du brouillard qui protège son château. Donc ces endroits enchantés, cette géographie enchantée assez, qui colore vraiment l'histoire. Il y a beaucoup de magie, j'ai envie de dire. Une remarque qu'on peut faire par rapport au livre allemand, c'est que le côté, je ne vais pas dire fantastique ou merveilleux comme ça, parce que je vais me faire taper sur les doigts de nouveau par des gens qui étudient vraiment la littérature, parce que je les utilise à l'envers, mais... La magie, les enchantements ont un rôle beaucoup plus prévalent que dans la littérature arthurienne française. On avait déjà vu ça chez Wolfram avec un personnage de le magicien, vous vous rappelez, qui avait maudit qui avait son miroir magique, qui permettait de voir à la ronde, etc., et qui avait maudit un endroit donné. Dans les romans français, souvent, vous avez des malédictions, vous avez des enchantements. Mais on ne sait pas toujours... Mais le personnage des magiciens est rare. C'est-à-dire que vous avez un enchantement et on va le briser, mais on ne nous explique pas toujours comment il est arrivé. Ou quand il arrive, parfois, c'est presque plus comme un phénomène naturel. Il y a quelqu'un qui est mort à cet endroit-là, d'une manière tragique, et ça a créé une espèce de malédiction. Là, par contre, vous avez beaucoup plus d'enchanteurs qui ont un rôle actif dans l'histoire. C'est pas toujours... Il y a des exceptions à ce que je viens de dire, bien sûr. Typiquement, vous pensez à la suite du roman de Merlin qu'on a vu assez récemment. Vous aviez ces deux enchanteurs que Merlin vainquait et puis il les mettait dans des tombes en feu. Mais c'est vraiment rare. Alors que là, dans ce type de roman-là, les magiciens et les enchantements ont une place beaucoup plus au premier plan. Là où si vous comparez juste par exemple au Lancelot de Chrétien, bah, basiquement il a un anneau magique et puis c'est tout. Il y a des objets un peu magiques, des lieux un peu magiques, mais vous n'allez pas voir autant le sortilège comme ressort narratif. Je remensionne juste vite fait que vous pouvez lire ce texte dans les traductions des classiques du Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises, par Daniel Buchinger chez Champion. J'ai un doute sur la non, oui, c'est bien les traductions des classiques, oui, du Moyen-Âge. Il n'est pas si long. Non, il est assez court, il se lit assez vite. Moi, j'ai... C'est quoi, 150 pages, je pense, de texte. Un peu plus, mais oui, dans ces eaux-là, vraiment, ça se lit assez vite. Puis bon, en plus, c'est un peu répétitif par moment, mais c'est pas non plus extraordinairement... Non, ouais, c'est plus varié que pas mal d'œuvres qu'on a vues ici, je trouve. Il y a quand même plusieurs fils narratifs, c'est assez facile à suivre. Puis il y a le côté assez rigolo de voir, de repérer un peu quel... quelles parties sont particulièrement inspirées par quel truc. Ah tiens, ça c'est un fragment du manteau Moteia, ah, ça c'est un fragment qui vient plutôt du là, le bien inconnu par exemple. Donc il y a vraiment des bouts un peu comme ça qui sont amusants à lire, puis, sinon autre chose. On va le dire en abordant l'œuvre elle-même, mais c'est aussi un livre qui est très CPS Core. Si vous suivez C'est pas sourcé, il y a quand même 2-3 passages qui suscitent, que je trouve assez drôle sur le plan, disons, avec un angle histoire des religions, qui est pas vraiment, je pense pour la plupart du public, c'est pas quelque chose qui joue, mais moi ça m'a bien fait rire. Je propose de commencer à vous parler de l'histoire elle-même. Je me suis appuyé sur un peu, pour essayer de vous distiller un peu ça, je me suis appuyé sur les résumés qu'on trouve. Il y a la page Wikipédia qui, ces dernières années, a été beaucoup rehaussée. Donc si vous voulez commencer, vous pouvez aller regarder là-bas. Il y a pas mal de discussions des thèmes, il y a un schéma des différents personnages, ce qui est assez pratique. Il y a un résumé assez complet. C'est drôlement complet, donc je ne sais pas qui a fait ça, donc merci à eux. Mais aussi, je me suis servi du résumé dans la légende du roi Arthur de Martin Aurel, qui fournit plusieurs résumés de romans allemands parmi tous les livres qui résument, et qui peut aussi être une manière de prendre connaissance avec les thèmes de l'histoire. Donc le début, ça parle d'abord du père de Lancelot, qui s'appelle le roi Pant. P-A-N-T, Pant. Donc c'est probablement bien sûr lié à Ban de Benoïc. Et donc ça pourrait effectivement être une trace de tradition archaïque sur le père de Lancelot. Il a quand même le côté Pant comme ça, c'est assez intéressant parce qu'il a un profil quand même assez différent du roi Ban tel qu'il nous est présenté dans le roman en prose en fait. Et surtout, Lancelot n'est pas tellement associé avec Ban avant à l'époque de Chrétien, donc c'est assez intéressant effectivement comme tu le dis, même s'il n'est pas tout à fait identique, hein, il a ce rôle assez différent, ce profil un peu différent, c'est pas vraiment un noble roi qui a des conflits de voisinage, c'est vraiment un problème interne qu'il a, le roi Pant. Oui, alors il règne un peu en tyran sur le royaume de Genevis ou Genevis, donc il règne sur Genève, Antoine, ton ancien domicile au bout du lac. Genevis, le Genevois, exactement, il est comte de Genevois, roi du Genevois. il est comte de Genève. Il y a des gens qui ont essayé de voir Genevis comme dérivé de Gaune. C'est possible, hein, c'est une possibilité. Ouais, disons, Gaune et Benoïc sont associés dans l'ensemble de prose, mais ça me semble bien un sûr. Peu, ouais. C'est possible que ce soit aligné avec ça. On disait que c'est une tradition archaïque, c'est aussi possible qu'il y ait une œuvre française entre Chrétien de Troyes et puis le Lancelot en prose et qui a été reprise là. La datation n'est pas non plus super solide. Donc, un des problèmes, en fait, c'est qu'il traite, il est un peu trop égalitaire, c'est-à-dire qu'il traite tout le monde, il traite les grands bonhommes de son royaume, l'élite de son royaume, il les traite un peu pareil que les petites gens, les petits chevaliers, ce qui pourrait être une qualité dans un autre récit. On pourrait dire, bah, regardez, c'est un bon roi parce qu'il traite aussi les petits chevaliers. Mais comme on vous a dit, ces textes allemands, ils ont aussi parfois un souci pour la hiérarchie que les textes français n'ont pas, ou les textes français sont dans un monde un peu idéalisé, qui est un peu où on peut très vite prendre des raccourcis pour se retrouver, tout le monde finit roi, etc. Là, par contre, on a un peu plus de ce souci-là. Et donc, les grands du royaume, ils commencent à s'énerver. Ils se soulèvent, ils se rebellent, ils ravagent tout. Ils tuent tout le monde dans le château, sauf Clarine, la femme du roi, donc la mère de Lancelot. Parce qu'elle est particulièrement gentille, apparemment elle est très bonne, etc., donc ils ne peuvent pas se résoudre à la tuer. Elle s'enfuit, et puis il y a une reine des fées marines, la fée marine, qui emporte Lancelot à ce moment-là, sur une île où il n'y a que des femmes. Donc c'est un royaume marin, mais on nous dit quand même que c'est une île. Mais on a l'air de... L'idée de Lancelot qui est élevé au fond d'un lac ou dans une espèce de monde aquatique est déjà assez présente ici. C'est un univers assez intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, on va retrouver ce côté d'un endroit un peu isolé, différent, plus tard dans le roman, hein, tout à la fin du roman en l'occurrence. Mais là, ce qui me fascine un peu, c'est le côté, comme tu l'as mentionné plus tôt, il n'y a que des femmes à cet endroit-là. Et surtout, pour du coup entraîner Lancelot au combat, parce qu'elle va l'élever comme un bon chevalier, elle va avoir recours à des espèces de d'hommes des eaux, d'ondines, d'esprits des eaux, ou de sirènes, mais masculins en fait. Buchinger traduit des ondins. pour qu'ils l'apprennent à serrer dans une épée d'un des bouclier. Ouais, des tritons ou des trucs comme ça. C'est dommage que ce soit une partie qui est un peu abandonnée de la légende arthurienne en général, parce que ça pourrait leur accorder un côté plus high fantasy, quoi. Le côté autre monde, voilà, qui est à peine exploré là, je trouve ça intéressant, effectivement. Puis après, ils pourraient vendre des... Ils pourraient faire comme ça, il y avait des Barbie sirènes, ils pourraient vendre des Lancelot sirènes avec des... je sais pas, il faudrait... Exactement. Hasbro pourra reprendre ça dans leur futur... Non, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Lancelot Just Add Water, Lancelot Deux Eaux, comme dans le teen show... Puis donc, Lancelot a à peu près 15 ans, il apprend aussi la musique, il apprend à se servir d'un arc, il est très bon. Il n'est jamais monté à cheval. C'est un peu le problème parce que voilà, il ne savait pas ce que c'était un harnais. Mais donc, il voudrait aller faire des tournois et des joutes. Donc, il y a ce côté, justement, le jeune homme élevé un peu loin du monde, mais il commence à vouloir faire ses preuves. Et puis, il demande à la fée de lui donner son nom. Et là, il y a un côté un peu particulier, c'est que... Elle dit « T'es trop jeune, j'ai peur que tu meurs sur le chemin. La pudeur et d'autres soucis qui m'accablent m'interdisent de te dire son nom. Et tu ne l'apprendras jamais, ton nom. » Puis alors, il dit « Bah alors, laissez-moi partir sans nom, parce qu'il faut bien que j'y aille. » Puis elle dit « Non, non, mais ton nom, tu l'apprendras quand tu vaincras le meilleur chevalier du monde, le meilleur chevalier qui a jamais existé. C'est Iveret, donc avec un W, Iveret de la Belle Forêt. » Et il dit « De la Belle Forêt... » Donc, je pense que c'est Schönwald, baie forêt. Donc, souvent, vous avez une expression allemande et puis le nom redouble l'expression. Hein, donc, baie forêt, belle forêt. Son château s'appelle Dodon. Et puis, apparemment, elle doit se venger de lui. Il lui a fait des torts jadis. Et puis, s'il arrive à le battre, il récupérera son nom. Il rencontre sur son chemin, donc il part finalement, elle lui donne une épée qui a des beaux ornements en or et qui coupe le fer comme l'acier. Donc une épée un peu, pas forcément magique, mais en tout cas une très bonne épée, avec un très bel aigle en or dessus, le bord couvert de zibeline. On nous raconte vraiment le beau arnois, blanc comme le cygne, et ses beaux vêtements. Il part sur les flots de la mer avec la bénédiction de main de dame, donc on est quand même dans un monde un peu aquatique, et il va entrer progressivement dans le monde de la chevalerie. Il rencontre un nain qu'il fouette, donc c'est un premier outrage comme ça, puis le chevalier Geoffrit de Litz. C'est Geoffrey, effectivement. Geoffrey, qui remarque qu'il chevauche un peu n'importe comment. Je vous cite... Votre bouclier ballotte dans tous les sens et vous laissez pendre la bride. Vous êtes assis sur votre cheval et vos longues jambes serrées, votre monture fait des bonds et galope de ci de là. De plus, vous tenez votre lance de telle façon qu'elle vous gêne. Votre côte d'armes est somptueuse et richement ornée. Vous êtes équipé comme un authentique guerrier. Mais quelle que soit la dame qui vous a envoyé en mission, c'est la vérité, elle n'avait pas d'aversion pour vous, mais elle a fait preuve de mauvaise éducation. Donc elle dit, voilà, vous êtes bien équipé, mais clairement, vous ne vous y connaissez pas. Et donc il dit qu'il ignore son nom et que dans son royaume, il ne voyait que des femmes. Il lui raconte un peu, ils apprennent un peu à se connaître. Il apprend un peu, c'est un peu, voilà, c'est comme Perceval chez Gornement, il apprend les derniers rudiments de la chevalerie qui lui manquent. Il va ensuite avoir sa première aventure. Il rencontre des chevaliers Kuros et Orphilet. Et ils entrent ensemble dans la maison du forestier Galagandreis. Et pendant la nuit, Lancelot commence son rôle un peu de joli cœur. Il couche avec la fille de Galagandreis qui est furieux en le trouvant dans le lit. Lancelot se bat contre lui, le tue et épouse la fille du forestier, en devenant ainsi seigneur de remplaçant le châtelain. Donc c'est quand même assez... le château s'appelle Moraitz, et on nous avait prévenu, en fait, avant d'entrer dans le château, ils avaient été prévenus que c'était un de ces seigneurs un peu difficiles, qui couvrent les gens de honte pour pas grand-chose. Penser un peu au chevalier à l'épée. Chevalier à l'épée, oui, parce qu'on dit justement il a une très belle fille, mais attention, il est un petit peu chatouilleux. En fait, il est accompagné par deux autres chevaliers, c'est ça que je trouve aussi rigolo, il est accompagné par deux types qui sont arrivés avec lui chez ce type. L'un d'eux s'appelle Orphilet, et Orphilet est un chevalier de la table ronde, en fait. Et c'est comme ça qu'on va commencer à voir un peu entendre parler de notre héros à la table ronde, parce que Orphilet va va en parler après coup. Mm-hmm. Et il y a aussi Kouraous, je crois, ou Kouros, je mm-hmm. connais pas, je vois pas de qui il serait l'équivalent. Orphilée d'ailleurs non plus, je vois pas tellement de chevaliers dont il pourrait être l'équivalent. Et ces deux-là, en fait, vont être aussi tentés par la fille du châtelain, mais eux vont résister, en fait, d'une certaine façon. Alors que Lancelot, bah, lui, va céder à ses demandes et va... clairement, le texte n'est pas du tout ambigu. Hein. Ils vont vraiment coucher ensemble et Lancelot fait ça souvent. Il est aimé par de nombreuses femmes, je crois que c'est le titre que lui donne le roman. Et c'est assez fascinant de voir à quel point c'est vraiment littéral, quoi. Il couche avec tout le monde, on s'attendrait à ce que ça lui emmène des embêtements, parce que, bah, littéralement... Il devient bigame, c'est un voilà, petit peu un problème. Mais non, c'est toujours de façon héroïque, tout le monde est toujours très content de finir par coucher avec lui, et non, lui, il n'a pas de souci à changer de comme ça. Il n'y a pas de crise, mais c'est vrai que c'était un peu... On avait vu ça dans le Parzival, où il y avait le père de... Le Gamuret, c'est le père de Parzival qui se mariait avec deux femmes, mais il y avait quand même l'excuse que Bellacan, elle était païenne, donc ça ne comptait pas vraiment. C'était pas un vrai mariage. Oui, surtout, on met l'accent sur ça. Il était pas marié, il avait juste couché avec elle, mais du coup, c'était pas tant un problème. Là, par contre, Lancelot va se marier plusieurs fois. Puis parfois, il est retenu un peu contre son gré, parfois, c'est un peu plus... Donc, la dame, je sais pas, je crois que je l'ai pas dit, mais j'avais dit que c'était les dames qui initiaient la relation amoureuse. Puis là, c'est elle qui, effectivement, est un peu échauffée et qui vient voir les chevaliers. Et puis, elle leur donne un anneau d'or. Les uns après les autres, elle veut leur donner un anneau d'or et leur dire, tiens. Puis les chevaliers disent, non, je n'ai pas mérité ça par mon service d'amour. Puis finalement, c'est Lancelot qui va accepter ça. Puis il va y avoir ce combat contre son père. Qui est blessé, qui lance son couteau, qui se plante dans la manche de Lancelot et l'accroche au mur, et puis voilà. Puis la fille, justement, n'a pas l'air si chagrine que son père soit mort, parce qu'elle arrive à apaiser un peu ses vassaux et dire, bah voilà, ce guerrier qui l'a tué, il peut prendre sa place ici. Il se lance quand même dans l'aventure du seigneur Ligné de Limorce, Donc il va là-bas en le défiant, il est mis au cachot, et puis on va l'amener sur le terrain d'un combat qui va l'opposer à un géant, en fait. Donc c'est une espèce de ces combats, de ces aventures rituelles, puis à des lions, et puis une fois que le chevalier est épuisé par ces combats-là, il y a Ligné qui arrive enfin sur le terrain, et il arrive à le tuer, et à épouser, bah, vous voyez, ça se répète déjà un petit peu, il épouse la nièce de Ligné, qui s'appelle Ad, ou j'imagine Ada peut-être, mais je crois que c'est écrit toujours Ad. Et il devient de nouveau seigneur. Il a pas divorcé de la seigneur. Ce qui s'est passé littéralement le chapitre d'avant, donc vraiment 500 vers avant, il a pas divorcé. Sa femme, elle est pas morte. Il y a pas de nouvelles. Elles reviennent pas dans l'histoire. Voilà, il a une nouvelle femme. Il est maintenant seigneur de Limorce. C'est vraiment, j'aime beaucoup la description du combat dont il finit par il se sauvegarder parce qu'elle accepte finalement de le protéger, en fait, en quelque sorte. Elle fait intercession pour lui, en fait, cette Ad. Et de nouveau, comme tu dis, c'est de nouveau le personnage de la fille ou de la nièce ou le pendant féminin, disons, d'un maître qui finit par disons, déroger à ça et trahir, si on veut, la figure paternelle au profit de Lancelot, en fait. C'est un motif très récurrent. Et de nouveau, effectivement, comme tu le dis, cette espèce de bigamie perpétuelle dans lequel il... Enfin, quadrigamie, techniquement. Ouais, je sais pas si la troisième, je suis plus sûr, on va voir au fil du temps. Je suis plus sûr s'il l'épouse aussi, mais... Non, ouais. il épouse... Non, il est retenu, parce que quand il est retenu par la fée, je crois qu'il ne l'épouse techniquement pas, puis après il épouse Ivered, donc je crois qu'il est marié trois fois. Il semble pas avoir tellement de problèmes à coucher non plus avec des gens, même si elle leur tient prisonnier non plus. Donc c'est vraiment ce côté particulier, quoi. On disait que c'était une caractéristique de Gauvin, mais Gauvin, il épousait pas ses dames en général. Quand Gauvin se marie, c'est pour de bon, quoi. Il a pas de... C'est rare qu'il ait une dame fixe de toute dans façon, le canon, mais... Alors que là, pourtant, c'est ça qui est assez intéressant, que je trouve aussi... Le récit est assez clair sur le fait que la dernière qu'il épouse, en quelque sorte, c'est vraiment sa future, quoi. Toutes les autres, c'est vraiment que des étapes en attendant. Mais par contre, la dernière qu'il va épouser, ça va vraiment être sa chère et tante, son épouse, celle qui va lui donner ses enfants. Ça va être la seule personne avec qui il va vraiment avoir une relation fixe et qui va être sa reine, en fait, en quelque sorte, et dont il va être le suzerain. Mmh. Les autres sont vraiment que des étapes. C'est intéressant parce que dans les autres récits allemands, souvent, justement, cette bigamie, justement, comme tu dis, elle est, quand elle existe, elle est mentionnée, elle est justifiée. Typiquement, ben, la canne, comme tu le disais dans le Parsifal, mais dans le... et dans le Iwain, notamment, à un moment donné, il y a une dame qui essaie de séduire Iwain, et Iwain, contrairement à la version française où il élude un petit peu, là, il dit clairement « Non, je ne peux pas, par amour pour ma femme, l'Odin. » Justement, là, c'est vraiment tout à fait différent. Alors que dans la version dans ce Lancelot-là, non, absolument rien à voir. Mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que généralement, le mariage avec la Dame du Seigneur, c'est vraiment un accomplissement. C'est voilà, il y a une aventure et puis il se marie avec. Et là, on a vraiment l'impression qu'on n'a même pas le temps de le savourer ou de comprendre ou d'envisager, que la femme disparaît immédiatement, puis il en trouve une trois lignes après. J'imagine qu'on peut justifier ça en cherchant un autre sens un peu à celui de mariage. Peut-être qu'il y a une notion que c'est pas vraiment un mariage, mais plus une espèce de justification de la relation, c'est une espèce de, je sais pas, même sur cet angle là c'est extrêmement bizarre qu'à chaque fois ils partent, puis je peux peut-être imaginer comment ça a pu influencer si c'était ça la tradition primordiale de Lancelot. Je peux imaginer comment ça a pu influencer Chrétien III pour avoir une espèce d'inversion, c'est-à-dire que le héros qui serait vraiment le infidèle au possible, donc c'est-à-dire qui se marie avec plusieurs personnes, qui est polygame, qui devient un amant transgressif, en fait, où il y a toujours la question du fait qu'il ne respecte pas le mariage, mais qui est complètement inversé. Oui, effectivement, il y a peut-être... Moi, je verrais peut-être une connexion là, maintenant, c'est difficile à dire. Oui, mais après, c'est vrai que c'est pour nous, c'est vraiment une caractéristique. Donc du coup, comme tu le disais, ses exploits commencent à se propager jusqu'à la cour. Arthur se dit, j'aimerais bien qu'on me le ramène, et puis c'est Gauvin qui s'y colle, qui va aller le chercher. Ils se rencontrent, ils se combattent, ils finissent par se réconcilier. Il est ensuite vainqueur du tournoi de Joffrey. Là, je ne saurais pas comment transcrire ça. Mais il va refuser, en fait, d'aller à la cour parce qu'il dit ma situation ne le permet pas. Parce que justement, il se rappelle de ce que la fée lui avait dit. Il ne connaîtra pas son nom avant d'avoir combattu Ivereth. Et donc, il veut accomplir cette quête avant d'aller à la cour. Ça l'amène à l'aventure suivante, à Châtel-le-Mort, donc le château, probablement le château mortel, Châtel-le-Mort, le château de Mabuse, qui est le fils de la reine des fées qui a élevé Lancelot. Et le château est enchanté par les pouvoirs de Mabuse, par une sorte d'inversion du courage. C'est-à-dire que les lâches qui entrent dedans deviennent courageux, et les courageux deviennent lâches. Et donc, c'est ce que Mabuse va faire, c'est-à-dire que Lancelot entre dans le château et puis il devient immédiatement un affreux trouillard. Et d'un seul coup, les gens se disent, tu as vu ce couard, il est... Les gens qui accompagnent Lancelot se disent, bah, il a tué Ligné, mais il a l'air absolument, ce serait une honte pour nous, parce qu'il a l'air vraiment nul, en fait, qu'il ait vaincu notre oncle. Il est fait prisonnier au Châtel-le-Mort. Il est complètement honteux d'avoir été battu à cause de cet enchantement où il n'arrive pas. En fait, il n'arrive pas à se défendre. C'est comme s'il était dans une espèce de catatonie. On lui enlève. Mabuse lui enlève son armure, sa coiffe, et il le tire par les cheveux. Mais il reste complètement silencieux et. Enfin, pas immobile, mais inerte, quoi. Les prisonniers. La plupart, ils prennent leur captivité plutôt bien. Ils sont assis quand ils mangent, ils s'assient à table. Ils ont des bonnes manières. Lancelot, lui, il reste assis, il mâchonne. Il ne se lavait jamais les mains et il se comportait comme un vaurien. Il est vraiment apathique, il est méchant pendant 15 jours. Et ensuite, il voit un incendie. Un incendie dehors, sur les terres de Mabuse. Les habitants du château, ils voient ça. Les jeunes se disent, ce sont les hommes d'Ivereth de la Belle Forêt, Ivereth de Beforêt. Ils voient que les villages dans le paysage qu'ils peuvent voir depuis où ils sont, sont vite réduits en cendres. Et puis Mabuse, qui est un couard, un trouillard, il n'ose pas y aller. Il se dit, c'est peut-être un piège, c'est peut-être pour nous attirer à l'extérieur et puis pour nous battre. Donc il va vers les prisonniers et il dit, est-ce que parmi vous il y aurait un homme assez brave pour tenter cette embuscade? Et puis... tous les autres se lèvent pour se porter a priori volontaire, mais il y a Lancelot qui se cache Alors ça sous-entend que tous les autres en fait sont des couards qui sont devenus courageux dans la cellule. Puis Lancelot à l'inverse est un courageux qui est devenu couard. Et du coup Mabuse saisit Lancelot qui monte sa couardise et il décide de l'envoyer. Il va arriver dans un monastère où on apprend, qui s'appelle le Fief des Lamentations, où on apprend que Yverette est le suzerain du lieu, qu'il a tué plein de chevaliers qui ont échoué en tentant son aventure. Il possède 3 royaumes dont il a hérité, sans compter ceux qu'il a conquis entre-temps. Et il a une et puis là, ça intéresse peut-être un peu plus Lancelot. Il a une fille qui est la plus belle fille qu'on a jamais vue. Alors bon, je pense que vous devinez un petit peu Là où ça va aller. Comment ça va aller. Et on nous dit que si quelqu'un convoite sa fille, devra aller dans la belle forêt sous un beau tilleul, donc cet arbre qui reste toujours vert. Et il y a une source d'eau fraîche. Et il a fait recouvrir de jolis arceaux. Et il y a l'eau qui sort d'une gueule de lion, donc elle est déjà très belle. Elle tombe dans un bassin de marbre. Et il y a une cymbale en airain, en bronze, qui est suspendue. Et si vous la faites sonner avec un marteau, la troisième fois que vous faites sonner ce gong, eh ben, Yverette débarque habillée en chevalier. Donc là, c'est vraiment... C'est pas exactement l'aventure de la fontaine, parce que vous n'avez pas le côté orageux. Mais il y a cette épreuve à faire à une demi-lieue de ce monastère. Ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, d'ailleurs, Idlis et son père nous sont présentés d'une façon quasiment un peu ambiguë. Ils sont couchés sur un lit ensemble jusqu'à ce que ça arrive. Et ça, je trouve intéressant, c'est presque... C'est pas directement dit, mais une espèce de... C'est comme s'il y avait vraiment un côté un peu un rôle incestueux là-dedans. Oui. Je trouve ça assez curieux, la façon dont c'est, effectivement... Disons, le rôle où Lancelot passe son temps à tuer des pères et des oncles et à immédiatement marier leurs filles pour les remplacer à la tête de leur domaine, c'est un petit côté très oedipien, on va dire. Oui, il y a un peu de ça, quoi. Parce que ces chevaliers, en général, on voit pas trop leurs femmes. On voit pas s'ils ont une femme, on voit pas trop la mère des filles. Donc c'est clair que vous êtes un petit peu, bon... C'est un monde de pères célibataires. Ça se posait des questions, effectivement. Et puis aussi, tu mentionnes le nom de sa fille, qui est honnêtement le truc le plus absolument drôle de ce roman. La fille d'Yverette s'appelle Iblis. Si vous ne le savez pas, Iblis, c'est un des noms arabes du diable. D'ailleurs, probablement que Iblis est dérivé de Diabolos. Et c'est le nom classique du diable, avec aussi Shaitan, qui est le Satan. Et je trouve ça absolument drôle, parce que ça pourrait être un setup pour un peu comme ce personnage qui s'appelait Samaliel, où t'es là, c'est clairement un nom d'archange déchu dans la quête post-vulgate. Moi, je trouve c'est le côté c'est pas sourcé que je mentionnais avant. Oui, il y a le côté un peu assez ironique. Et donc, on voit Lancelot avoir une femme de plus, Iblis, la fille d'Yverette. Puis, on est à peu près... on arrive un peu dans le milieu... On a passé un peu le milieu du roman. On a une messagère de la Reine des Fées qui débarque et qui révèle à Lancelot ses origines et son nom. Notamment qu'il est le neveu du roi Arthur. Et il décide de se rendre chez lui, du coup. Il y a un certain Valérin qui veut enlever la reine Guenièvre, ouais. Assez à l'italienne comme nom, comme forme, mais Lancelot le défie en combat singulier, au terme duquel lequel Valérin va se soumettre. Alors la cour va fêter cet heureux dénouement. Alors c'est pas la fin de cette histoire, mais ils sont contents. Et Lancelot veut se venger de l'affront qu'il a subi quand, vous vous rappelez, au début de l'histoire, il y a un nain avec un fouet qui l'avait fouetté, puis ça n'avait pas donné grand-chose, mais il l'avait très mal pris. Il va à la forteresse de Pluris, il est fait prisonnier par la reine de Pluris, qu'il finit par l'épouser, en fait. Donc Lancelot est enfermé par une femme qu'il doit épouser, et entre-temps, c'est donc sa quatrième femme. Et entre-temps, une messagère de la Reine des Fées fait essayer aux dames de la cour un manteau magique. Et donc c'est le thème classique du manteau qui révèle l'infidélité ou la fidélité. En l'occurrence, dans cette scène-là, on a un certain diagnostic qui est fait en fonction de la réaction du manteau. Donc, c'est le scénario classique du manteau qui teste la chasteté des gens, même proche des laits qu'on avait regardés, qui sont leur forme la plus pure. Il y a Iblis, la femme de Lancelot, qui du coup est triste, elle est dans sa chambre, dans son coin. Et elle ne fait pas partie de la fête, et c'est qu'à la fin qu'il va falloir aller la chercher pour voir qu'en fait c'est elle la plus chaste et la plus fidèle. Donc le manteau, il est déjà décrit comme étant très beau, il y a toutes sortes de quadrupèdes, d'oiseaux, de monstres marins, tous les animaux qui sont brodés dessus. Cela était dû à un enchantement produit par nécromancie. Alors la nigromancie, comme vous l'avez pu rencontrer plusieurs fois dans ces romans, c'est pas comme on l'entend au sens fantasy moderne, forcément lié à la mort, mais c'est un terme assez générique qui veut dire sorcellerie en fait. Et donc, elle donne le manteau au roi, mais il doit promettre de le faire porter à tout le monde. Le prince Orphilet qu'on avait vu, il était avec Lancelot quand il a été dans une de ses aventures où il avait trouvé sa première femme. Il demande à son ami de la mettre, mais il descend si bas sur elle qu'il traîne loin derrière, sauf un pan sur le devant qui remontait si haut qu'il dépassait à peine le genou. Donc il est très très long par derrière et très court par devant. Et la jeune fille, l'envoyée de la Reine des Fées, leur dit « Je peux vous le dire sans détour, cette dame aime trop son mari, et pour peu qu'il ne lui prête pas l'attention à laquelle il l'a habitué, elle aspire de toute son âme à l'amour d'autres hommes. Je ne veux pas lui en faire le reproche, cela m'attirerait son courroux. » Donc, elle va quand même... Le manteau va passer de dame en dame avec Il va pas, mais de manière différente, et à chaque fois, elle va faire une espèce de diagnostic, où elle dit « Oui, en fait, ça prouve qu'elle est infidèle, ou alors elle a une mauvaise pensée, ou alors là, en l'occurrence, elle aime trop son mari, alors peut-être qu'elle a juste des désirs amoureux qui ne sont pas assouvis par son mari. » Il y a Cain, donc qui est que, en fait, mais on l'a pas encore mentionné. Je me demande si ces deux i, c'est une des minimes qui ont été prises pour les deux u, minime d'un u qui a été prise pour deux i. Cain, le n, le u, peut-être. Ce serait qu'une. Une confusion là-dedans. Qu'une, ou bien K-U, c'est possible aussi. K-U, mais enfin, oui, ouais. c'est que, ça c'est assez clair, parce qu'il a le rôle de que qui est dénigrant et qui va être méchant jusqu'à ce que son caca va être abattu, quoi. Parce que K, c'est assez courant, en fait. C'est avec le I-N qui te fait un peu douter, quand même. Oui, effectivement. Donc K, effectivement, c'est ce N qui me lançait un peu en dehors, comme ça. Il y a donc la dame de queue qui, on dirait qu'il va bien, le manteau a l'air bien devant, mais quand on regarde derrière, le manteau il est froissé jusqu'à la ceinture, donc il est tout rabougri, retroussé jusqu'à la ceinture, et on n'arrive pas à le descendre en tirant dessus. Il y a queue qui devient rouge de honte, puis voilà. Il y a le fidèle Loifilol, son nom est très proche de Lolilol, je pense que c'est une typo, il devait s'appeler... Oui, Loifilol, j'aime beaucoup. Loifilol, il aimait... Je veux dire... Parmi les choses bizarres qu'on trouve dans ce genre de roman, le fidèle Loifilol qui aimait sa femme avant qu'elle eût atteint l'âge d'un an. Oui, ça c'est très... dans les eaux internationales, personne ne peut vous entendre. Ça soulève plus de questions que ça répond. Et j'étais attiré par ma femme avant qu'elle ait atteint l'âge d'un an. Je génère des questions. Ouais, il y a beaucoup de trucs bizarres dans ce roman. Et je crois que c'est comme la fin de Twilight quand il y a le loup-garou qui tombe, qui découvre qu'il a un lien amoureux avec le bébé là. C'est oui, je trouve que t'es généreux parce que moi c'est pas les premiers trucs qui me font penser, mais j'ai peut-être le cerveau, l'Epstein brain trop. Je crois que c'est trop consumé. Non, effectivement, ça fait penser à des choses un peu sinistres là, mais. C'est assez... c'est possible, en fait. Je pense que c'est peut-être plus probable. C'est peut-être que c'était deux bébés qui ont le même âge, en fait, et qu'on savait qu'ils étaient destinés l'un à l'autre de petits. Mais ça n'empêche pas que ça a un certain côté vraiment très, très sinistre, comme ça, quand ils le disent comme ça. Ça fait « Ouh !»« Now we don't have time to unpack all of that !» Et ben, il y a vraiment ce côté assez... Ouais. Comme tu disais, sinistre. Malgré ça, sa dame essaye le manteau, et puis il va bien, à part qu'on n'arrive pas à mettre le fermail, on n'arrive pas à mettre la babiole de fermeture. La jeune fille envoyée par la dame des fées explique que c'est parce qu'elle a accepté que plus d'un homme lui fasse la cour, et que donc, mais qu'elle a pas donné suite, mais elle a accepté que plus d'un homme lui fasse la cour. Ce qui est un peu, bon, c'est un peu, ouais. Disons, les romans arthuriens, c'est un peu d'un roman à l'autre sur si c'est acceptable ou pas, l'amour courtois, si c'est consommé, pas consommé. Là, en l'occurrence, c'était quand même un certain déshonneur d'accepter les dons d'un homme sans l'en récompenser, comme elle dit. Ensuite, c'est le roi Givréiz qui demande à son ami d'entrer dans le cercle. Il va très bien tout autour, sauf qu'il a un grand trou qui aurait dû être bouché par une grande pièce de tissu, mais elle n'en a pas. Et la jeune fille explique, ça signifie que cette dame déteste son mari parce qu'il est d'une taille insignifiante, bien qu'un homme de taille moyenne, mais qui a le sens des convenances, vaille mille fois mieux qu'une multitude d'hommes grands. Donc elle est mariée à un short king, en fait. J'allais dire, la dame de la... L'envoyé de la dame du lac est extrêmement... Elle est pour les short kings, elle déplore le problème des femmes qui les dédaignent. C'est assez clair, là. Mais le truc, c'est que contrairement à certains autres, il y a beaucoup de ces tests de chasteté qui pèsent que sur les femmes. Et il y en a où c'est théoriquement que les femmes, et c'est vraiment genre on va montrer que c'est... Oh là là, les femmes, elles sont toutes inconstantes et puis infidèles. D'autres, c'est la relation. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est si vous êtes dans une relation infidèle, ça va vous le montrer. On ne dit pas si forcément c'est la faute de l'homme ou de la femme, ça va souvent reposer sur la femme. Mais là, parfois, ça montre les torts de leur mari. Par exemple, il y a le seigneur Kailet qui demande à son ami de le mettre, et le fermail se brise immédiatement. Ainsi, je vous cite, « l'on sut qu'il la faisait trop voyager. La jeune fille affirma solennellement que celui qui obligeait sa femme à demeurer en des endroits où elle ne voulait pas être était bien déshonorable, il la blessait au lieu de l'honorer. Cette profonde souffrance fait que plus d'un fermail se brise, il faut blâmer celui qui ne veut pas quitter sa femme d'un pas. » Donc il y a là le seigneur Kailet qui est blâmé parce qu'il traîne sa femme avec lui partout, apparemment parce qu'il est jaloux, mais en tout cas ça lui plaît pas. Et c'est là, c'est lui qui est blâmé, ce qui est pas, c'est pas toujours le cas. Ensuite, c'est le sage Maldouze qui prie son ami de ne pas manquer de mettre le manteau. C'était la plus petite femme parmi toutes ces dames. Lorsque elle eut mis le manteau après avoir fait une prière toute tremblante, il prit la taille d'une courte veste, de sorte qu'il ne descendit pas d'un pouce au-dessus de la ceinture. La jeune fée explique qu'elle est trop sujette à la raillerie. Elle examine tout le monde en faisant commentaires et insinuations. Voilà la raison de ce qui lui est arrivé. Donc, ce n'est pas seulement ce qui concerne leur relation amoureuse, alors que généralement, c'est plutôt ça, la fidélité. Là, c'est « Ah non, en fait, c'est pas une... elle dit trop de méchanceté. » Ensuite, c'est la dame de Iwan. Je suppose que c'est Iwain. Ça ne lui va pas parce qu'elle est trop niaise. Personne ne parviendra à la faire renoncer à ce qu'elle s'est mis dans la tête. Il est sot celui qui ne sait pas céder et qui s'obstine dans son opinion. Donc là, par contre, c'était un test de bêtise. Ensuite, il y a Enid, l'ami de Valvain. Donc, est-ce que c'est Enid qui serait ici à Paris avec Gauvin? Je ne sais pas, parce qu'Erek apparaît dans le récit, donc on pourrait se demander, effectivement. Est-ce que c'est une autre Enid ou Enid Enid. Je ne sais pas, moi, la seule qui me vient à l'esprit comme ça, c'est effectivement Enid, mais à mon avis... Mais donc, là, en tout cas, le processus va être interrompu parce qu'on nous dit que cet ami de Valvain aurait pu l'essayer, ça aurait été son tour, mais il y avait déjà 200 dames et même plus qui avaient essayé le vêtement dans l'ordre qui correspondait à leur rang. Et puis, c'était bientôt l'heure de manger, hein, donc on va pas rigoler. Et la messagère, elle interrompt tout le monde et elle dit « Il y a une dame qu'il faut qu'elle le mette. » Puis, elle est dans ses... On envoie chercher Iblis dans ses appartements, elle le met. Et puis, c'est le plus beau vêtement qu'on a jamais vu. Et puis, c'est à elle qu'il va le mieux. Donc, s'ensuit un chapitre sur la libération de Lancelet, où Valvain et Carjet, je sais plus qui c'est Carjet du coup maintenant, à qui il correspond, mais... Carjet, tu vois, Carjet. Ah, ce serait Carjet. Un Get, ouais, bon, oui. Monseigneur Carjet. c'est très... Par moments, c'est non, le vocabulaire. C'est marrant, moi, j'ai moins de peine à lire du moyeno-allemand que de lire de l'allemand moderne, parfois, parce que c'est juste... Mais ça ressemble plus à du vieil anglais, déjà, puis aussi, c'est un peu... Je sais pas, ça a des côtés presque suisse-allemand, par moments. J'étais sûr que t'allais dire que c'est un peu suisse-allemand. Ça, mais bon, en même temps, il est littéralement suisse-allemand, notre Ulrich, l'auteur. Hein. Mais il y a vraiment un côté, parfois, tu fais le cliché du français fédéral, puis tu traduis un peu littéralement, puis tu dis « Ouais, bon, ça va, ça marche. » Carriette, monsieur Carriette, nous allons avoir la conférence du Conseil fédéral. Il y a un côté très... je sais pas, je trouve que ça fait vraiment... C'est peut-être mon côté... Tout ce qui est allemand est nécessairement suisse-allemand parce que je suis suisse-roman. Mm. Et je vois l'angle, tout sous l'angle le suisse-alémanique, je sais pas. Mais il y a un côté vraiment, effectivement, pardon, jeu de piste. Autant Walwain, si tu sais un peu... là, je suis pas sûr que ce soit évident, Walwain, à part ça. Pour un non-angliciste... Walwain, je sais pas, toi... je sais pas ce que t'en as pensé toi, t'as tout de suite compris que c'était Gauvin, j'imagine, parce qu'on le dit assez littéralement dans le texte, mais... Le sound shift, tu t'habitues un peu au bout d'un moment, mais... Mais c'est pas forcément évident. Je pense que moi j'ai l'habitude de lire, je sais pas, Gauvin le Chevalier Vert typiquement, à utiliser alternativement Gauvin ou Wawain, dépend selon ce qu'il a besoin pour faire une rime, enfin pas une rime justement, une allitération, parce que c'est de la poésie allitérative. Et du coup, changer la consonne, c'est vachement pratique pour pouvoir. Et puis, G, il y a plein de G dans Gauvin, donc parfois tu l'utilises, mais parfois tu veux utiliser un W. Donc, Wawain, c'est assez pour moi assez logique, mais j'imagine que c'est pas forcément pareil pour quelqu'un qui est juste habitué à Gauvin ou Gauvin, mais effectivement c'est pas nécessairement évident. Mais donc c'est Wawain, Cariette, mais aussi Erec et Tristrant qui vont essayer de aller libérer Lancelot. Donc on a dit qu'il était fait prisonnier. J'ai parlé un peu en introduction, je l'ai pas mentionné, la tente où il est fait prisonnier, cette tente magique qui a l'air d'être extrêmement vaste, etc., qui a un aigle animé dessus, elle est couverte de boucliers en fait. Et c'est ce truc où si vous tapez un bouclier, ben il y a un chevalier qui correspond au bouclier qui va venir vous tabasser en fait. Et c'est comme ça que Lancelet était entré là-dedans, puis il lui avait fait ses preuves, et puis la dame s'était dit en fait j'ai envie de le garder. Et donc ils arrivent là-bas, il y a un messager qui dit que des gens arrivent, que quatre beaux chevaliers, très qui ont l'air très courtois, très beaux, très très riches et tout, ils sont en train d'arriver. Et le message arrive à Lancelet qui est à l'intérieur et on lui dit que, et là je vais te dire Antoine si t'arrives à deviner à qui correspond quel bouclier, on le décrit leurs armes et on dit que il y en a l'un des chevaliers qui m'a fait un beau salut porte un lion avec une couronne, l'un et l'autre en or est très joliment travaillé en relief. Son bouclier, je dois le dire, superbe à l'intérieur comme à l'extérieur, de couleur azur des deux côtés. Le second porte un aigle d'or, c'est la vérité, mais je ne puis rien dire de plus sur lui. Le troisième chevalier avait un bouclier recouvert d'hermine blanche, dessus est fixée une manche de zibeline, qui fait un joli effet de contraste. Le bouclier du quatrième est orné d'une panthère. Alors, je suis pas sûr du tout. Je dirais que Cariette, il a le lion avec une couronne, que Gauvin, il a un aigle d'or, que Erec, il a le bouclier d'hermine, et que Tristrant, il a une panthère. Je saurais absolument pas dire. À mon avis, le lion avec une couronne, c'est Tristan, parce que le Léonois. Léonois, il y a toujours cet allusion. C'est possible. C'est assez. Je sais pas. L'aigle d'or, alors là. Gauvin, il a souvent, mais beaucoup plus tardivement, Gauvin, il a souvent un aigle. Donc je me dis qu'il y a peut-être une espèce de connexion, mais ce serait un peu. Je sais pas, il y a Cariette, Wawain, Erec et Tristan. Erec, franchement, c'est vrai que c'est difficile. Dans la liste, ils mettent d'abord Gauvin, ensuite Cariette, Erec, Tristan. Donc, si c'est... Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel ils sont mentionnés après? Je ne sais pas. S'ils sont dans l'ordre d'apparition, c'est ce que j'aurais pensé. Ça voudrait dire Gauvin, lion, Cariette à l'aigle, Hermine pour Erec, et puis Tristan aurait une panthère. Pour moi, le lion, c'est quand même vachement associé avec le léonois. Donc, c'est pour ça, mais enfin. Après, peut-être que. On a tendance à vouloir lire les armes de façon littérale. On a aussi tendance à vouloir toujours adopter. C'est vrai que généralement, dans une œuvre donnée ou dans un monde donné, ils commencent à avoir des armes acceptées, mais c'est pas forcément toujours le cas assez nettement. Donc je sais pas, ça peut paraître assez effectivement. Je sais pas trop comme. Il y a des points où tu sais pas trop effectivement si tu dois lire littéralement ou prendre ce que tu t'imagines être, ce qu'on va s'imaginer, tu sais pas comment ils vont avoir l'idée quoi non plus. C'est vrai que c'est assez pas forcément évident. Non, c'est peut-être faut peut-être pas trop lire là-dedans. Je crois que c'est un peu atypique comme souvent. Mais donc ils arrivent vers la tente et puis il dit justement quand il y a Lancelet qui arrive, il dit nous n'avons pas eu notre aventure l'an dernier et cette année, nous allons aujourd'hui rattraper le temps perdu. Donc Lancelot se dit qu'il va défendre et puis défendre, qu'il va sortir et défendre la coutume là-devant, même si il s'en sert comme un prétexte pour sortir en fait. Le truc c'est qu'il va faire promettre, il va faire promettre à sa dame de lui permettre de jouter. Puis il va dire, je vais jouter contre eux, mais je ne jouterai contre eux qu'une fois. Et après, je reviendrai comme ça, vous êtes sûr que je reviendrai. Et en fait, le truc tout simple, c'est qu'il va partir avec eux, partir après eux, il ne va pas vouloir jouter contre eux. Il dit, ouais, on joue pas. Vraiment. C'est la bonne astuce. Il y a aussi des choses assez marrantes, parce que justement, Il y a tous les chevaliers qui sont envoyés contre eux parce qu'ils défendent la tente habituellement. On nous dit que Erek tente l'aventure et puis qu'il désarçonne bien vite 73 adversaires, donc 73 adversaires, car il n'était jamais là des jeux de chevalerie. Et puis au 73e, apparemment, il joue un peu de malchance en brisant la boucle du bouclier d'un d'entre eux. Pendant qu'ils distrayaient tout le monde en tabassant 73 chevaliers, Lancelet et Valvain se mettent d'accord sur ce qu'ils allaient faire. Et justement, ils commencent à... Comment ça? Je crois que justement, ils commencent à se battre contre les... Est-ce que Lancelet... Je sais plus si Lancelet se bat explicitement contre les chevaliers qu'il défendait avant, mais... Non, c'est pas très terriblement dit. Ils partent, mais ils s'en vont en fait simplement dans la forêt. Puis on nous dit plus ou moins qu'ils échappent à leurs poursuivants. Et c'est très. On dit simplement beaucoup, beaucoup. Ils perdirent la vie et l'honneur. Jamais je valide de combattir hardiment que nos cinq amis. Donc faut comprendre, j'imagine effectivement qu'ils se battent vaguement entre eux. Et puis que pour le reste, bah voilà, après c'est fini quoi. Ils s'en vont et on nous dit rien de plus. Mm. C'est pas très explicite. Et évidemment, Lancelot n'a aucun scrupule à abandonner la dame avec qui, à qui il était censé être marié maintenant, hein, sa quatrième épouse, mm-hmm. Plus ou moins techniquement. Bon, là, c'était à sa décharge, c'est là qu'il était un peu sous la contrainte. Mais du coup, donc, une fois qu'il a sa super côte de maille blanche, il peut... J'entendais, il a aucun problème à coucher avec elle, à la traiter comme son amante ou sa femme pendant... Non, bon, après, il est en prison, il va pas se... Non, c'est ça, il a pas de... Non, c'est normal, qu'il n'ait pas de... Justement, dès qu'il a une opportunité de partir, il le fait. Puis justement, je pense que le test du manteau de chasteté, il sert un peu à ça aussi, à souligner justement que Iblis, ça, c'est la femme parfaite, l'épouse parfaite. Et du coup, à partir de ce moment-là, Lancelot, justement, sort de son quatrième mariage. Assez facilement, effectivement. Ils sont donc après pourchassés par les troupes de cette tente, et puis le combat est assez difficile, et il ne dure qu'à une forêt toute proche, et à l'ONU semble de pouvoir cesser le combat. Ce qui enchaîne immédiatement sur une autre aventure. Si on avait parlé de Valérin qui avait été battu par Lancelot, ben là, Valérin choisit de nouveau d'enlever Guenièvre. Alors, il avait essayé la première fois façon Tristan en prose, tu sais, débarquer et puis dire je voudrais prendre emporter Guenièvre. Cette fois-ci, il le fait et il l'emmène dans son château. Et pour pouvoir la délivrer, la cour du roi Arthur va devoir faire appel à un magicien, un certain Maldouk. Maldouk du lac embrumé. Du lac embrumé. Et ils vont devoir faire appel à lui, mais il va avoir un prix. C'est qu'on lui livre Erek et Valvain, donc Erek et Gauvin, qui lui avaient fait une crasse il y a quelques temps, je crois, ils avaient tué quelqu'un. La question, ça va être. Le truc, c'est qu'il habite sur une île. Comme disent, sur un lac embrumé, et il peut pas, il est difficile d'accès parce qu'il y a seulement lui en fait qui permet. Enfin, il faut savoir comment accéder et traverser le lac parce qu'on peut pas le faire à la nage. Enfin, il faut aller sur un pont spécifique qui est caché normalement. Mm-hmm. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la fille de Maldouk va permettre à Arthur et à sa suite, mais pas Gauvin et Erek qui sont pas là en fait, d'accéder à la maison de son père, enfin au domaine de son père, mais pour le faire, après c'est ensuite qu'il dit effectivement la chose comme quoi on doit lui livrer en fait ces deux chevaliers pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec eux. Et au début Arthur est là, mais non, mais pas du tout. Mais après on finit par le convaincre que ces chevaliers-là feront n'importe quoi pour lui, donc ils le feront volontiers, et en plus, c'est le seul moyen de récupérer sa femme. Donc, il doit finir par accepter, finalement. Ouais, mais tous les chevaliers disent « Ah, mais vous savez, ils sont tellement honorables qu'ils accepteraient de faire ça, ça pouvait sauver Guenièvre. » Puis, bien sûr, quand ils leur demandent, ils disent « Oui, on est parfaitement d'accord de se livrer volontairement, même s'ils nous écorcheraient vif et nous ébouillanteraient ou autre chose. » Il y a un moment très drôle, je trouve, c'est quand il leur dit quelque chose du genre... ils disent ils savent que de toute façon ils peuvent mourir qu'une seule fois. C'est ça. Donc bon, autant que ce soit pour aider pour aider Arthur et Guenièvre. Donc il y a ce côté vraiment assez assez vrai. Ouais, ils sont tellement sympathiques que ils vont accepter sans problème que d'être livrés à Malduk. Et Malduk va vraiment les traiter comme de la merde. On va le voir. Ouais. Mais d'abord il va aider Arthur. Va lancer des sorts. Pour aider Arthur, effectivement. Et c'est très drôle parce que la description des sorts est vraiment très très détaillée. Comme tu disais, quand on parle de magie dans ces romans allemands, souvent c'est beaucoup plus détaillé que dans les versions françaises où c'est assez générique. Mais donc, ouais, Malduk, il commence à rechercher des artifices dans ses livres de nécromancie. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui implique les morts. Et il fait en sorte que tous les serpents qui se trouvaient devant la barbacane et qui gardaient l'enclos de la forêt entremêlée, donc de Valérin, arrêtent de grouiller. Et il endort. Quelque chose qui, on nous dit qu'il n'y a pas de remède à ce sortilège. Tout ce qui était vivant dans le château est en contrebas. Donc tout le monde s'endort dans le château. L'armée monte à l'assaut. Il y a un petit côté The Witcher comme ça. Il y a un petit côté The Witcher comme ça. L'armée, du coup, attaque le château, franchit le mur d'enceinte. Et ils disent qu'ils font payer à Valérin bien cher le fait d'avoir plongé Artus dans la tristesse. Ils ne laissaient en vie aucun des habitants du château, ni les malades, ni les bien portants. Tous trouvèrent la mort, donc ils massacrent tout le monde. Le roi Valérin fut tué avec ses hommes. Sa mort serait à déplorer si ce n'était pas malséan. Qui prend une femme par la force commet un acte honteux et un crime. Les plus valeureuses furent d'accord sur ce point. Et là, il y a un truc, passage que je trouve très intéressant. Et le magicien dit que si la reine s'était enfuie de son plein gré avec Valérin pour lui accorder la douceur de son amour sans résistance, ils auraient pu laisser vivre celui-ci. Beaucoup parmi ceux que l'amour fait souffrir outre mesure tinrent le même discours. Le roi Artus était si noble qu'il exprima une opinion semblable. Le croira qui voudra. Autrement dit, ouais, Malduk et Arthur qui disent « Bon, si elle était partie de son plein gré, on n'aurait rien fait. Là, on va buter tout le monde, mais si elle était partie de son plein gré... » Et puis, le narrateur qui est un petit peu sceptique quand même, genre « Ouais, bon, Arthur, il fait comme s'il était noble. » Je trouve intéressant parce que c'est un peu la seule indication qu'on a que... de la connaissance qu'a l'auteur du Lancelot, éventuellement, il sait peut-être ce qui se passe vraiment dans le Lancelot en prose, c'est-à-dire parce que c'est pas quelque chose qui se trouve chez Chrétien, en l'occurrence, enfin le départ de Guenièvre, enfin le Guenièvre qui rejoint Lancelot. Mais c'est vraiment, c'est ça que je trouve intéressant, vraiment ce côté, éventuellement, peut-être qu'il suggère ici que il trouve que ce récit français où Guenièvre et Lancelot finissent par partir ensemble, puis finalement tout le monde s'entend bien, c'est un peu des cracks, c'est n'importe quoi. Ça peut pas exister. Ça peut pas exister comme ça, quoi. C'est vraiment ces Français qui inventent des trucs. Ça se côté vraiment très ah oui, les Français et l'adultère, c'est naturel. Personne, tout le monde s'en fiche. Mais nous, franchement, je suis pas de cet avis-là. Un peu ce côté-là. Je sais pas si c'est. Tu penses aussi. Je sais pas si c'est entièrement dirigé là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça soulève une espèce de fil narratif qui est rarement exploité, mais qui est justement la question de. Oui, mais si cette espèce de twist enlevée, elle serait en fait consentante, genre quelque chose qu'on pourrait voir dans, je sais pas, plus proche de nous, mais Kaamelott. Si on regarde dans Kaamelott, l'idée justement qu'un jour Guenièvre se barre, mais de façon parfaitement consentante. Et ce qui est assez intéressant sur le plan du lien avec la légende de Lancelot, qui est que Guenièvre est adultère, mais de son plein gré, puis que c'est ça sa vraie transgression dans le reste de la légende. Oui, il y a de ça, effectivement. Mais justement, c'est ça qui me... Le croira qui voudra, c'est sur la noblesse d'Arthur. Et ouais, Arthur serait pas si noble en vrai que qu'a pu le raconter la version française. Et de toute façon, avec vos mœurs un peu bizarres, les Français, vous êtes... Alors bon, après, je suis bien d'accord que c'est pas le roman idéal pour faire ces parallèles, vu que de toute façon, la politique sexuelle d'Ulrich von Satzikoffen semble assez différente, par exemple, de celle d'Hartmann von Haye. Mais il y a peut-être un côté vraiment intéressant là-dedans, dans le côté, on est, disons, dans tout le roman, c'est quand même un homme qui fait ce qu'il veut avec les femmes, mais à aucun moment les femmes remettent ça en question, et à aucun moment les femmes prennent leur autonomie ou font quoi que ce soit, tu vois. Non, elles sont super sexy et enthousiastes, et elles ont très envie de l'épouser trois ou quatre fois. Mais seulement, mais elles le font seulement toujours avec le même homme parce que c'est Lancelot, parce qu'il est fantastique. Il y a personne d'autre qui va se mettre à, qui oserait, les femmes n'oseraient pas normalement faire ce que fait Guenièvre, par exemple, dans le reste de la matière de Bretagne. Donc c'est aussi pour ça que Lancelot est finalement si, comment dire, si facilement, je sais pas comment dire ça autrement. Si il est si facilement transformer en un héros qui est tout simplement purement et simplement juste un type super sexy, mais qui ne va pas commettre d'adultère à proprement parler, puisque il ne couche jamais avec une femme qui ne lui est pas mariée ou qui ne lui est pas promise immédiatement après. Mais du coup, ça nous amène juste à la fin du massacre du château. J'ai dit il massacre tout le monde, c'est pas complètement vrai. Justement, il y a Guenièvre qui est dans le château en train de dormir avec 30 jeunes filles d'un sommeil si profond qu'elles n'ont pas remarqué tout le boxon dans la forteresse. Et il faut que Malduk fasse entendre sa voix pour les réveiller parce que sinon il leur serait arrivé malheur, genre peut-être qu'elles auraient été massacrées ou quelque chose. Et donc l'incendie, peut-être ils auraient détruit le château, puis ils s'en seraient fichés un peu de ce qu'il y avait. Voilà, bon, c'était un peu une mission pour retrouver Guenièvre, donc on pourrait imaginer que ça aurait été mieux de ne pas la déblayer avec les décombres. Mais effectivement, ils vont prier les dames de descendre et ont détruit le château avec tout ce qu'il contenait jusqu'à ce qu'il fût totalement rasé. Afin d'apaiser leur colère, les assaillants dévastèrent aussi la colline et l'enclos pour que plus jamais personne ne pût faire du tort aux autres. Donc ils rasent complètement le truc, quoi. Et oui, c'est ainsi vraiment, que... Malduk avait gagné Erek et Valvain dans sa captivité, et la reine Ginevra demandait au magicien, au nom de toutes les dames et de l'inclination qu'il pouvait avoir pour elle, de bien vouloir apaiser sa colère, de prendre ce qu'il désirait dans ce qu'elle possédait, et de dispenser les fidèles héros d'une expédition qui pouvait mettre en péril leur vie et leur honneur. Elle eut beau supplier, cela ne servit à rien, et elle dut renoncer à intercéder. Donc elle essaie d'éviter de donner Erek et Valvain. C'est vraiment le côté... C'est un des épisodes les plus intéressants, je trouve, ce côté on donne volontairement deux de nos chevaliers à ce magicien qui est un peu ambigu. Et ça illustre assez bien aussi le côté que je trouve assez rigolo dans ce récit, où souvent on est ennemi avec quelqu'un et c'est un futur ennemi qui nous aide en fait. C'était pareil avec quand Lancelot était plus ou moins retenu, comment dire, il était retenu dans le château, le moment où il perd en fait Hadès et son frère, sa deuxième épouse, quand il est retenu dans le Chastel Mortel ou Chastel Mort, je sais plus comment ça s'appelle. Château la Mort, je crois. Et en fait, c'est tout simple, c'est les ravages du voisin de son ennemi qui l'emprisonne, qui le permet de sortir, et en fait, c'est le type qui va aller tuer après. Là c'est un peu pareil en fait, c'est l'ennemi de la fin du récit qui en fait on va le voir est Malduk est en fait introduit parce qu'il aide d'abord Arthur, mais le prochain épisode dans le récit c'est finalement la vengeance de Lancelot contre lui en fait. Oui, je mentionne juste une chose sur ce Malduk, c'est que on vous avait déjà parlé de l'archivolte de Modène, donc vous savez cette arche au-dessus d'une porte de la cathédrale de Modène, vous avez une scène arthurienne qui est représentée, puis on a Artus de Bretagne, Isdernus donc Ider, Durmaltus qui serait Durmart, Winéoge qui est Guenièvre, et Winéoge a l'air d'avoir été captif, donc ça a l'air d'être un de ses récits sur l'enlèvement de Guenièvre. Et à ses côtés, de l'autre côté de la tour qui est au sommet de l'arche, on a un bonhomme qui est marqué Marduk. Marduk est très probablement lié à cet enchanteur Malduk, parce que là on voit une histoire où cet enchanteur est lié à l'histoire de l'enlèvement de Guenièvre, ce qui laisse penser que cette histoire pourrait être très vieille. Quand Ulrich parle d'une source française ou d'une source latine, c'est absolument pas impossible qu'il dise la vérité et qu'il ait eu un informateur ou quelqu'un qui lui donnait une version assez vieille de cette histoire. Ouais, c'est fort possible aussi. Mais d'un côté, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un certain scepticisme à ce sujet. En tout cas, quand je vois Bouchinger, elle n'a pas l'air d'être très très chaude sur l'idée que sur le personnage que relate ce Hugues de Morville qui aurait donné sa source. Pour elle, c'est vraiment un pastiche global de plusieurs récits, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont assez nettement ça. On va le voir encore après. Il y a encore un épisode qui sera extrêmement familier à nos auditeurs. Mais j'ai l'impression que effectivement, il y a quand même une structure derrière qui est peut-être un peu voisine, mais sans être exactement la même que des autres récits qu'on a vus. Et c'est vrai que pour l'instant, cette partie avec Malouk et le recours au magicien pour sauver Guenièvre avant de devoir ensuite se tourner contre lui, il y a un côté peut-être un peu possiblement intéressant là-dedans et inédit. Quoi qu'il en soit, avant de reprendre la suite et la fin des aventures de Lancelot, on va écouter une chanson qui pourrait être le mot d'ordre de Lancelot en fait. On va écouter une chanson de la comédie musicale Oklahoma de Rodgers et Hammerstein dans sa reprise de 2019 à Broadway. et c'est Alice Stroker qui chante I Can't Say No. It ain't so much a question of not knowing what to do. I know what's right and wrong since I've been 10. I hear a lot of stories and I reckon they are true about how girls are put upon by men. I know I mustn't fall into the pit, but when I'm with a feller, I forget. I'm just a girl who can't say no. I'm in a terrible fix. I always say, come on, let's go, just when I ought to say nix. When a person tries to kiss a girl, I know she ought to give his face a smack. But as soon as someone kisses me, I somehow sort of want to kiss them back. What you gonna do? Supposing that he says that your lips are like cherries or roses or berries. What you gonna do? Supposing that he says that you're sweeter than cream and he's gotta have cream or die. What you gonna do when he talks that away? Spit in his eye? I'm just a girl who can't say no. For a while, I act refined and cool, a-sitting on the velveteen settee. Then I think of that old golden rule and do for him what he would do for me. I can't resist a Romeo in a sombrero and chaps. Soon as I sit on their laps, something inside of me snaps. I can't say no. I'm just a girl who can't say no. Kissing my favorite food, with or without the mistletoe, I'm in a holiday mood. Other girls are coy and hard to catch, but other girls ain't having any fun. Every time I lose a wrestling match, I have a funny feeling that I won. Though I can feel the undertow, I never make a complaint till it's too late for restraint. Then when I want to, I can't say no. Oui, allô. Oui, bonjour. J'ai vraiment besoin de culture, là. Veuillez patienter. Nous allons calibrer votre émission pour une expérience optimale. Allô, l'émission est prête. Formidable. Allô Centrale, votre savoureux condensé de culture, présenté par Morgane et ses délicieux acolytes, une fois par mois sur Radio Kawa. Voilà, alors avant cette petite publicité pour Allo Central, on a entendu I Can't Say No, une chanson tirée de la comédie musicale Oklahoma de Rodgers et Hammerstein, chantée ici par Alice Stroker. Et on va reprendre la suite des aventures de Lancelot. On a laissé Erek et Walwain retenus prisonniers et ça va être au tour de notre héros de venir les secourir. Du coup, Lancelot va raccorder avec ce récit parce que justement, Erek et Walwain sont donc enfermés chez Maldouk Et l'expédition va être rejointe par d'autres qui vont devoir tenter de traverser le lac, notamment Tristram et Cariet, mais aussi un autre bonhomme qui apparemment a des compétences un peu spéciales. Oui, il s'appelle Esaelt le Long, Esaelt, Esaelt. Je ne sais pas trop comment il s'appelle exactement, il est censé s'appeler exactement en français. C'est un personnage qui n'apparaît pas ailleurs. Enfin, il a un nom qui ressemble un peu à celui d'Iseult, Iseult, mais il est décrit comme étant une espèce de géant. Enfin, c'est un peu un X-Man, en fait. C'est un peu genre... Oui, il a un super pouvoir. Il a un super pouvoir. En fait, tous les mois, je crois, il grandit de 20 cm, en gros. Oui, il grandit d'un empan, donc c'est l'espace entre le pouce et l'auriculaire étiré, à peu près. Donc, quand vous étirez le petit doigt et le pouce... Une vingtaine de centimètres. Donc il a un peu ce pouvoir d'être magiquement super grand. C'est un peu un géant en fait. Et c'est intéressant, je trouve le moment le plus rigolo, c'est quand on dit ouais en fait c'est Arthur qui l'a élevé à cause de ce prodige. En gros c'est comme si, on ne sait pas d'où il vient, mais moi j'imagine tout à fait Arthur qui découvre qu'il y a un type qui a finalement un pouvoir magique dans son royaume et il décide du coup d'aller le capturer, de le saisir de façon unilatérale. Pour le s'en servir comme asset militaire, je trouve ça un peu rigolo quoi. C'est vrai, tu dis c'est très l'école du professeur Xavier pour les enfants spéciaux. Ça a vraiment un côté super héros. Ouais, et aussi ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans les romances galloises en fait, où l'entourage d'Arthur, ils ont vraiment un côté très super héros. Hein. Oui, il y a ce côté dans Colour Heroine par exemple, mm-hmm. où on nous décrit, on fait des listes des hommes d'Arthur et tous les prodiges qu'il peut faire, ou bien les pouvoirs magiques. C'est aussi un truc des triades galloises typiquement, où ouais. Ils ont tous un peu des spécialités, des compétences particulières. Ils sont vraiment des... je sais pas, il y a ce côté vraiment, effectivement, assez rigolo là-dedans, un peu pas vieux jeu, mais vraiment le côté... Ouais, assez rigolo de voir un peu les différents styles de personnages. Ça va contre nos attentes. Bah, oui, on s'attend pas à voir d'un coup arriver un personnage un peu... En général, dans les parties, disons, plus modernes, entre guillemets, de la légende arthurienne, on a vraiment ce côté, c'est des chevaliers, quoi. Là, c'est vraiment un type qui est juste à le pouvoir d'être très, très grand. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à la troupe menée par Lancelot d'atteindre le château de Malduc pour libérer ses amis, enfin ses cousins. Parce que, ah oui, je ne sais pas si on l'a dit exactement, hein, mais Lancelot est décrit comme un neveu d'Arthur explicitement dans cette... Oui, on l'a dit, lorsqu'il découvre son identité, oui, ça, il découvre qu'il est le neveu d'Arthur. Donc il va aller chercher son cousin chez Malduc. Ils vont être chacun montés sur l'épaule d'Esaelt qui peut, lui, nager dans le lac. En fait, il peut marcher au fond du lac, puis il les fait traverser. Oui. Il les fait traverser. Honnêtement, la scène à laquelle ça fait le plus penser, c'est à Shrek 2 quand il y a le bonhomme en pain d'épices géant qui attaque le château. Oui, il y a de ça. C'est tout à fait ça. J'ai pas une énorme culture, mais c'est un côté très burlesque comment il décrit cette possibilité. Il dit aussi qu'il pouvait pas monter à cheval, tu m'étonnes. Et c'est ça, il avait 17 ans. Il avait 17 ans et donc chaque mois, il grandissait d'un empan. Donc il avait... il faisait 40 mètres en fait. Si le calcul est juste, si tous les 12 mois il gagne 20 cm, il fait un peu plus de 40 mètres. Ouais, non, il est immense, donc c'est vraiment ce côté très rigolo, je trouve, où on le voit, on a cette image du type qui va vraiment littéralement se servir de sa taille géante pour les déplacer et les faire rentrer. Et après, on parle autre chose. On parle du fait qu'il grandit de 20 cm tous les mois, donc ça veut dire que quand il avait genre 6 mois, il faisait déjà genre 1m20. Bah, c'est Kirikou, quoi, un peu. Enfin, ouais. Pas vraiment, mais vous voyez l'idée. Je trouve aussi rigolo parce que non seulement il les fait traverser comme ça, en fait, il sait pas que seulement il les porte, mais il les protège dans le lac, mais surtout, en fait, dès qu'ils arrivent près de la forteresse, c'est lui qui va les prendre puis littéralement les déposer sur les créneaux, en fait. Oui, il les aide en fait à nager parce que l'idée, c'est que justement, tout le monde ne grimpe pas forcément sur lui, mais quand il voit que quelqu'un est fatigué ou que sa monture n'arrive plus à nager, il les récupère. Voilà. Il marchait à côté des chevaliers, il veillait bien sur eux, et quand l'un d'eux était en difficulté, il venait aussitôt à son secours et soutenait la monture et le cavalier jusqu'à ce qu'ils eussent complètement traversé. Ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est finalement le côté... Bah, justement, une fois qu'ils vont entrer dans le château, ils vont du coup... exterminer tout le monde, exterminer Malduk, ils vont exterminer ses, euh, ces hommes, mais il ne tue pas la fille de Maldeuk qui avait aidé Arthur à arriver chez son père, parce qu'apparemment, on nous dit qu'elle a pleuré, elle a tant pleuré, et elle s'est tellement lamentée quand les amis, enfin, les chevaliers de Table Ronde étaient torturés, donc Gauvin et Erek, que c'est ça qui leur a valu d'avoir la vie sauve, en fait. Donc je trouve assez rigolo le fait que finalement on se dise on va épargner elle spécifiquement, pas d'autres. Et puis comme toutes les femmes dans ce récit, elle est très très contente d'avoir vu son père se faire massacrer sous ses yeux, visiblement. Ouais. Et elle est parfaitement heureuse de rejoindre les autres types, quoi. Je trouve ça assez drôle quelque part. Enfin drôle, non, c'est un peu sinistre. Mais ça m'amuse un peu ce côté vraiment très les chevaliers de la Table Ronde, en fait, c'est un peu des... Je sais pas, c'est un peu une équipe de paramilitaires qui va faire des... Littéralement, l'incident là, c'est Arthur qui demande de l'aide à quelqu'un, qui lui offre un bénéfice à cause de son... par traité, hein, il lui accorde le droit d'avoir... De pouvoir prendre avec lui les hommes qui l'avaient demandé. Et tout ce que ça va faire, c'est que après, il va envoyer un peu... Comme pour avoir une déniabilité plausible, il va envoyer Lancelot seul avec une équipe de paramilitaires. Une opération spéciale. C'est littéralement une bande de contrats qui va aller mener une opération extrajudiciaire pour aller tuer un souverain qui n'est pas assez amical avec Arthur. Le truc, c'est qu'ils auraient probablement pu juste demander à Ezéalt d'aller se battre contre Valérin. Je sais qu'il y a tous les enchantements de la forêt entremêlés et tout, mais bon, il fait 40 mètres, il doit avoir un petit avantage quand même. Enfin, non, mais... je sais pas, ce côté un peu... C'est juste drôle d'imaginer qu'il attend à Kaamelott pendant tout le reste de l'aventure et puis ils disent « Ah mais attendez, à qui est-ce qu'on pourrait demander de l'aide ?» Non, je sais pas, mais il y a vraiment ce côté qu'on retrouve aussi un peu avec le côté la bande de le temps des chevaliers au château de Montsalvat chez Wolfram von Eschenbach. Là, c'est vraiment les troupes d'Arthur qui sont juste des espèces de contractuels militaires sans foi ni loi qui vont aller tuer un type qui avait pourtant un traité de paix avec qui est plus ou moins un accord avec leur souverain, parce que pour aller renier l'accord en plus, hein, c'est même pas pour genre autre chose, c'est même pas genre il a insulté Guenièvre en allant la récupérer, non, c'est littéralement parce que, ouais, en fait, on finalement n'avait pas envie de payer le salaire qu'on lui avait promis. Je trouve ça assez drôle finalement. Écoutez, on va pas s'encombrer d'excuses, ou on va pas s'encombrer de plans compliqués, ou de lui faire des faveurs pour récupérer Gauvin, ou de lui faire pardonner, non, on va littéralement aller le buter pour récupérer les qu'on avait livré. C'est pas très chevaleresque, le ton du roman. Il n'y a pas vraiment de question de justice, ou même quelque chose qu'on voit beaucoup dans les romans français, c'est la question de « il faut que Arthur rende la bonne justice, rende le bon jugement, il faut respecter son autorité ». Littéralement, le roman commence quand le père de Lancelot traite tous... En fait, on a dit au début qu'il était tyrannique, mais c'est pas simplement qu'il est tyrannique, c'est qu'il traite tous ses sujets de la même façon. Ce qui veut dire qu'il élève les plus bas et il traite mal les hauts seigneurs, en fait. Et le roman... nous dit explicitement « Ah, c'est pas bien, ça. Il faut vraiment laisser chacun à sa place. Il faut que les gens du commun, ils mangent de la merde, il faut que les grands seigneurs, on les écoute. Et si tu les traites, si tu traites tout le monde mal, tu vas te faire... tu vas essentiellement te faire laminer par ta noblesse. Et c'est parfaitement normal. T'es décrit littéralement comme un tyran parce qu'il est, en gros, plus ou moins égalitaire. Alors que normalement, en français, c'est généralement... un bon chevalier est sympathique avec tout le monde, mais Pinte, il est trop sympa avec les pauvres, et donc du coup, il se fait littéralement, il se fait Salvador Allende, et voilà, et c'est normal. Et pendant le reste du récit, en gros, c'est un peu la loi du plus fort, et la hiérarchie sociale est parfaitement doit être respecté. D'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça que c'est parfaitement légitime pour eux d'aller récupérer Erek et Gauvin, malgré le fait qu'il y avait un sauve-conduit. Hein, il avait tout à fait le droit de les garder. Oui, il avait le droit de les ramener jusqu'à sa forteresse, en tout cas. Il avait, qu'il avait le droit de les garder. Ouais, certes, mais enfin, l'accord qu'il a connu, il le considère comme nul et non avenu, parce qu'ils font partie d'une classe supérieure, ils font partie des chevaliers de Table Ronde, et il y a vraiment ce côté un peu, on est un peu au-dessus des lois, de toute façon... on va faire ce qu'on veut. Donc je trouve ça assez... c'est pas rigolo en tout cas, parce que c'est pas très drôle. Mais tu disais que c'est pas chevaleresque, mais en même temps, le roman n'arrête pas d'insister sur à quel point chevaleresque ces héros sont. Hein. C'est toujours s'il nous dit pas « Ah, Lancelot, de façon chevaleresque, elle a chevaleresquement chevalérisé son ami chevaleresque, le chevalier Gauvin. » Je pense que le seul qui, auquel je pense que je peux comparer, c'est probablement le Père Lesvos, où tu as aussi des massacres, où, genre des romans où tu massacres tout le monde dans un château, c'est quelque chose que tu fais généralement pas. Ou dans le Père Lesvos, c'est parce que c'est un roman qui est complètement fanatique. Là, c'est juste parce qu'ils sont un petit peu énervés contre Malduk. Mais donc Lancelet et tout le monde sont acclamés à leur retour. Erek et Walvin sont bien sûr, tout le monde se réjouit de leur retour parce qu'ils avaient pleuré quand ils étaient partis. On fait un peu la fête pour les accueillir. Ezealt reçoit un salaire particulier. Il reçoit un bouclier rempli d'or comme salaire pour son exploit. Donc il est rémunéré particulièrement. Et ça conclut cette aventure de Malduk. On enchaîne sur une toute autre aventure qu'on a déjà vue dans Le Bel Inconnu. Donc c'est celle du fier baiser. Où vous avez Lancelet qui apprend que donc Lancelet a retrouvé Iblis, ils sont sympas et tout, ils sont bien ensemble. Puis elle lui dit « Ah, mais je vais te raconter une histoire, mais il ne faut pas que tu ailles faire cette aventure. » Puis Lancelot qui est là « J'écoute » et qui décide immédiatement d'aller faire cette aventure, qui est qu'il y a un certain roi Durand qui avait trouvé dans une forêt sauvage un énorme dragon, la bête la plus effrayante qu'on avait jamais vue, mais qui parlait comme un être humain. Le dragon parlait comme un être humain et il demandait à plusieurs reprises au guerrier de bien vouloir, pour l'amour de Dieu, lui donner un baiser. Mais le guerrier n'avait pas envie parce qu'il était horrible. Et tout le monde va essayer l'aventure, mais il est tellement horrible, le dragon, que personne n'ose lui donner un baiser. Et Lancelot dit, même si on m'en priait avec insistance, je m'en abstiendrai aisément. Habilement, il l'amena à poursuivre ce conte car il brûlait de tenter l'aventure. « Continue ton récit, dit-il. » Et donc, elle continue à raconter que le dragon poursuit les gens pour leur demander des baisers, puis que ça lamente « Combien de temps faut-il que j'attende ?» avec une voix aussi étrange que celle d'une femme sauvage. Et les neuf compagnons de Lancelot font demi-tour, veulent pas y aller, mais Lancelot se dit... Lui, il n'a pas scrupule à continuer, hein, il est vraiment à fond. Mm-hmm. Il va, parce qu'il prend neuf chevaliers pour aller jusqu'au bout, puis bah, il dit « Bon... » Donc Lancelot prend 9 compagnons et vont jusqu'à là-bas, mais les 9 autres ils ont peur, ils font demi-tour. Et Lancelot il a aucun problème parce qu'il s'est dit j'ai été marié 4 fois, c'est pas un dragon qui va me donner du fil à retordre. Et surtout l'aventure est un peu moins bizarre que dans Le Bel Inconnu parce qu'une fois qu'il est là, le dragon lui dit littéralement pourquoi n'y a-t-il pas un chevalier qui puisse me donner un baiser sur la bouche, alors je deviendrai belle et retrouverai aussitôt mon apparence normale. Donc bon, on sait ce qui va se passer ici, quoi. Il n'y a pas le côté bizarre dans Le Bel Inconnu, puis le suspense, c'est qu'à chaque fois que le Bel Inconnu, justement, Guinglin, il essayait de se mettre en position offensive pour tuer le dragon se mettait dans une position de soumission, pas menaçante. Puis du coup, il ne comprenait pas ce que c'était ce manège, et puis ensuite, le dragon lui arrachait un bisou. Tandis que là, c'est littéralement un dragon qui dit « Libérez-moi de cette malédiction !» Donc bon, on n'est pas... Ouais, c'est un peu plus évident, là, effectivement. Mais d'un côté, je trouve ça assez rigolo, l'implication qu'en fait, les autres types qui sont venus tenter l'aventure, ils sont là « Ah, on ne l'avait pas, moi Tous les dragons disent ça de nos jours Du coup, ils refusent de lui faire un bisou parce qu'ils disent « Ah, non, c'est... » C'est le troisième... T'as un type qui a juste le visage tout suturé, puis que là, c'est le troisième dragon qui me fait le coup ce mois-ci... C'est ça, non, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça quoi, là-dedans. Donc c'est... Mais donc il l'embrasse, elle fonce dans la rivière et puis elle se change immédiatement en très belle femme. Il la conduit à Cardigan, l'émoi est très grand. Lancelot ne finit pas avec elle, ce qui marque peut-être une espèce de progression, en tout cas de contraste avec avant. C'est plus comme ce qu'a été le mantel mot taillé pour Iblis. C'est une manière de montrer qu'il est le plus courtois et le plus courageux des chevaliers, en fait. Ouais, il y a peut-être ça, mais d'un côté, ça me semble... Je me demande vraiment si ça n'a pas un côté un peu padding aussi, finalement, parce qu'il a rempli à peu près tous les exploits qu'on peut imaginer. Puis il y a cette aventure un peu bizarre, un peu le côté épreuve, parce que sa dame lui dit « Ah, il ne faudra pas que vous tentiez ça. » Puis il la tente immédiatement, mais elle ne lui en veut pas. La question aussi n'est pas très claire de pourquoi elle ne voulait pas qu'il tente l'aventure. Est-ce que c'était parce que c'est vraiment c'est un type qui est vraiment... elle a vraiment peur que le dragon se change vraiment en femme et que du coup, elle puisse le séduire. Et qu'elle le perde à cette femme, oui. Ouais, ou alors est-ce que c'est parce qu'elle a peur du danger et qu'elle ne veut pas le reperdre encore une fois parce qu'il était parti tellement de fois. C'est un des problèmes de ce roman, c'est qu'il y a plein de moments où il pourrait y avoir... On a l'impression que... C'est ce qui me fait penser au fait, peut-être que ce n'est pas une source française, mais il met ensemble des motifs sans prendre la fonction qui va avec. J'en sais ce qui s'était passé avec, justement, je disais, dans Le Bel Inconnu, il y avait un suspense et une tension, parce que le dragon avait l'air juste d'être un dragon dangereux, et puis le twist, c'était que le fier baiser était ce qu'on attendait. Là, il n'y a pas de twist. Pareil, elle lui dit « va pas faire cette aventure », bah, c'est un interdit, on s'attendrait à ce que l'interdit soit rompu et qu'il y ait une conséquence, comme tu dis, comme dans un conte ou dans un, une histoire comme celle de Yvain. Exactement. Il surestime son besoin d'aventure et puis il délaisse sa femme. Mais ça se produit jamais. Pareil pour toutes ces femmes qu'il a épousées et qui disparaissent immédiatement du récit, en fait. Ça pourrait être une tension. Tiens, il a plein de femmes. Il s'est marié avec une femme en captivité. Et ça, non, on n'exploite pas. Donc d'un côté, on a un côté très fantasque et magique et sympa. Mais d'un autre côté, il y a plein de bouts qui restent pendants et qui ne sont pas vraiment raccordés au reste. Bon, en même temps, c'est pas comme si c'était unique dans la littérature médiévale, mais il y a presque ce côté vraiment épisodique, remplissage. Ah, c'est badass ce truc, je vais le faire pareil dans mon récit. Et puis, finalement, ça sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas compris pourquoi c'était là. Quoi. Comme tu disais, il prend les moments un peu cool. Elle dit, ouais, c'est trop badass. À un moment, il embrasse le dragon, puis en fait, le dragon, c'est une meuf. Ah, c'est chouette. Epic bacon. Exactement. Epic bacon. Epic bacon chevalier. Bah, Daniel Buchinger, elle parlait d'un patchwork et je pense que c'est assez vrai quand on voit tous ces bouts. Et quand j'ai dit c'est ce que l'épreuve du dragon, c'était ce qui pour Lancelot faisait office de l'épreuve du mantel montaillé, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une symétrie. C'est-à-dire que pour une fois, Lancelot a plus l'air d'être tenté par de nouvelles conquêtes. Iblis est confirmé comme la bonne femme, Lancelot est confirmé comme le meilleur chevalier, puis maintenant ils vont pouvoir juste monter sur le trône de Genevis. Il n'y a plus... Mais je dis ça, mais le texte ne nous le dit pas vraiment, alors que c'est vraiment une occasion manquée. Quand on compare au roman de Chrétien, où il y a une psychologie honnêtement très... Peut-être pas subtile, mais en tout cas très développée, et puis il y a cette idée où ce que je vous disais avant, être chrétien, il aime bien torturer un peu ses héros. Là, on a des héros qui sont littéralement torturés, mais ils sont tellement vaillants et univoques qu'on ne les voit même pas souffrir, en fait. Oui, on les voit se venger. Évidemment, ils sont en train d'être... Mais comme tu disais, comme on disait avant, je pense qu'il y a le côté vraiment très... les gens, ils savent parfaitement ce que c'est la matière de Bretagne, ils savent parfaitement ce que c'est la littérature chevaleresque, mais ce qu'ils veulent entendre, c'est vraiment des histoires de « Ah ouais, on est super, des trop héros, trop badass, et on va... Ironiquement, c'est beaucoup plus... Tu t'imagines, c'est vraiment ce côté simpliste que tu peux imaginer, à ce que... Donc quand tu te dis « Ah ouais, la littérature médiévale, c'est des sortes de chevaliers qui font des bons chevaliers, et ils sont des trop bons chevaliers, c'est trop ça », c'est un peu ça, en fait. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas spécifiquement de trucs un peu bizarres. Lancelot n'est même pas genre... Lancelot, disons, il est présenté de façon assez monotone quand tu regardes simplement les récits, si tu t'arrêtes au premier abord, parce qu'on dit littéralement « Oui, c'est juste le meilleur chevalier ». Mais il y a une raison pour laquelle c'est intéressant en fait, que ce soit le meilleur chevalier, parce que fondamentalement c'est un traître, c'est à la fois le meilleur chevalier et un super gros traître, littéralement il est adultère avec la femme de son suzerain et il consomme ça, c'est à la fois un idéal et un interdit complet, et là c'est juste complètement paralysé parce que c'est juste le seul interdit vaguement, c'est la bigamie qui va poursuivre, mais c'est présenté comme juste un truc badass qu'il fait parce que toutes les femmes veulent de lui, donc finalement c'est juste un côté un peu voilà, wish fulfillment quelque part. Les chevaliers sont des chevaliers super badass et super bourrins et tout le monde est à sa place et les agneaux et si vous êtes un chevalier super badass et super bourrin, bah vous gagnerez plein de royaumes et vous aurez plein de femmes qui vont coucher avec vous, puis à la fin vous aurez quand même une femme fidèle et avec qui vous serez marié, vous aurez des enfants, des héritiers et tout sera bien tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et comme tu disais, ce mais côté je pense... stratification sociale comme ça. Il y a clairement ça qu'on a déjà évoqué, mais je pense aussi à un côté très artificiel. Vous vous rappelez, le début du roman, c'était celle qui deviendra plus tard la Dame du Lac, la Reine des Fées de la Mer. Je dis tout le temps des Fées de la Mer, mais en fait, le terme allemand, c'est Sée, qui en fait peut vouloir dire la mer ou le lac. Donc, c'est pas vraiment... c'est aquatique, mais ça pourrait être l'un ou l'autre. Mais elle avait dit, on peut pas te dire ton nom, tu devras tuer Yvérette pour le savoir. Et il n'y a aucun moment où c'est vraiment expliqué, parce qu'il tue Yvérette, et là, il y a une dame qui vient lui expliquer. Il y a une dame qui vient expliquer son nom. Et c'est absolument pas organique. C'est une dame envoyée par elle qui vient le lui dire à ce moment-là. Il y a un côté vraiment très artificiel, comme tu dis. C'est vraiment mécanique, quoi. Il faut que ça se passe, donc ça se passe par l'intermédiaire d'une dame. Et parfois, on se moque un peu d'attendre à avoir des Deus Ex Machina un peu trop faciles dans ces récits médiévaux. Mais là, c'est vraiment porté à son paroxysme, j'ai l'impression. Tu coupes un peu. Comme je disais, c'est porté à... J'ai l'impression que cette tendance un peu Deus Ex Machina qu'on voit parfois dans les récits médiévaux et dont on se moque un peu parfois, c'est toujours des demoiselles qui apportent des trucs. Mais là, c'est juste simplifié à l'extrême et du coup, ça fait ce côté un peu bizarre. Je vais juste lire avant qu'on parle de la fin du roman. Après cette histoire de cette dame qui était changée en serpent ou en dragon ou en vuivre, il nous raconte sa backstory. Elle est aussi très « c'est pas sur ses corps », parce qu'elle vient apparemment d'une île que je peux que interpréter comme Tulé. On nous dit, je vais vous le relater tout de suite, elle s'appelait la belle Elidia. Elle était la fille d'un roi de Thyl, T-H-I-L-E. Les gens savants et ceux qui connaissent le monde le savent bien, Thyl est une grande île située dans la mer. On y trouve une abondance de merveilles, personne ne saurait les compter. Une semaine avant Noël, les jours y sont si courts, nous disent des livres romains qui contiennent bien des récits extraordinaires, qu'un coureur peut à peine parcourir un demi-mille avant la tombée de la nuit. En revanche, en été, les jours sont plus longs à Thyl qu'ici. Vous n'avez jamais entendu d'histoires plus étranges que celles qui sont racontées sur ce pays. La femme qui pêche contre la courtoisie et songe à tromper celui qui la sert pour obtenir son amour en subit les fâcheuses conséquences. Par là, elle compromet sa réputation, car c'est la coutume du pays de ne tolérer un tel comportement que pendant une année. Si ce n'était pas trop long, je vous dirais ce que la dame avait fait. Un jugement avait été prononcé qui décrétait qu'elle prendrait la forme d'un dragon jusqu'au jour où elle recevrait le baiser du meilleur chevalier du monde. C'est pourquoi elle a rampé sur le ventre jusqu'à une forêt de Bretagne, car de nombreux hommes d'âme valeureux la parcouraient en quête d'aventure. Comme je l'ai déjà dit plus haut, elle fut délivrée de son tourment par l'intervention de Lancelot. Oui, donc, c'est assez marrant. Hein. Il nous parle de Thyl, qui est clairement Tulé. C'est une île où les jours sont très longs en été, très courts en hiver, et puis il y a des trucs merveilleux qui se passent là-bas, c'est clairement Tulé. C'est l'Islande, ouais, Tulé, c'est le nom que donnent les anciens Grecs, les anciens Romains. L'Ultima Thule, en fait, c'est la terre le plus au nord. Soit c'est l'Islande, ça a été interprété comme l'Islande ultérieurement, après la découverte de l'Islande. C'est plus probablement, sachant qu'il y avait des habitants, selon les marins grecs qui s'y sont rendus, c'est plus probablement la Norvège ou le nord de la... Enfin, en tout cas, la côte scandinave. Et effectivement... C'est l'Atlantide. C'est l'Atlantide, mais en plus raciste que Platon. Exactement. C'est juste. Ou alors, en cherchez peut-être pas. Cherchez peut-être pas Tulé sur internet. Vous risquez de trouver du black metal nazi. Il y a des côtés. Ça a été exploité comme ça après, effectivement, malheureusement. Mais en l'occurrence, c'est intéressant. Je trouve le côté ah oui, c'est dans ce pays magique, merveilleux, où ils punissent les gens qui font des transactions comme ça. Je pense qu'il faut plutôt y voir effectivement genre la Norvège ou quelque chose comme ça, parce que c'est suffisamment près pour qu'on puisse y ramper, y aller en rampant. Donc, j'imagine que effectivement, c'est plutôt ce genre de parcours terrestre qui est possible. Enfin, quoique. Mais oui, c'est assez intéressant ce passage de Tulé. C'est différent, c'est comme s'ils avaient complètement, soudainement lu un bouquin tout à fait différent, puis ils voulaient placer ça maintenant d'un coup. Puis je trouve marrant parce qu'il dit, je vais vous expliquer pourquoi elle avait été condamnée comme ça. Puis il dit, elle venait d'un endroit super cool où il se passait des trucs magiques et assez dingues. Enfin, si c'était pas trop long, je vous raconterais ce qu'elle avait fait. Mais bref, elle a été changée en dragon. Genre, il dit, je vais vous raconter la backstory, puis en fait, il le fait pas. Il nous dit juste qu'elle venait d'un endroit cool. Alors peut-être que on est censé remplir nous-mêmes, c'est censé être un peu un sous-entendu, un peu mesquin. Non, je crois qu'il dit justement qu'il tolère l'inconstance, etc. pendant un an, donc ça sous-entend bon, elle a été infidèle pendant plus d'un an, quoi. Oui, c'est assez ça, quoi. Je pense pas qu'il y a particulièrement de mais je pense que c'est pas une question de en fait il oublie simplement qu'il voulait dire ce qui s'était passé. C'est assez clair que ce qu'elle a fait est assez clair, je pense. Mais donc voilà, on arrive à peu près à la fin. Les dernières scènes de l'histoire, c'est que, basiquement, Arthur tient sa cour à Dodone, vers Beffforêt, justement, depuis quelques mois. Lancelot passe là-bas. Il choisit le royaume de sa femme pour y devenir seigneur. Il y a une grande cérémonie de couronnement qui clôt bien, tant de romans arthuriens à la chrétien. Et ils vivent un long et heureux règne. Iblis et Lancelot, Dieu fut si bon avec Iblis et Lancelot qu'ils vieillirent en jouissant d'une haute considération et moururent, à ce qu'on nous raconte, tous les deux le même jour. Je disais, il y a vraiment une fin assez classique finalement dans ce récit, quoi. C'est un peu la fin des Rec, c'est la fin de... Vraiment, ils deviennent rois dans leur royaume, ils sont vraiment... ils sont parfaitement heureux. D'ailleurs, Lancelot récupère aussi, on l'a pas dit, hein, mais il récupère aussi le Genevis ou la terre de son père en allant bien s'entendre avec les seigneurs qui avaient chassé son père. En fait, il leur promet d'être très généreux. Et puis, on avait décrit Lancelot comme étant très très généreux effectivement dans ce récit. Et il est en fait en promettant des largesses, il récupère le trône de son père sans trop de soucis, quoi. Non, ils ont aussi, on nous dit qu'ils ont 4 enfants, une fille et 3 fils qui héritèrent de leurs biens et des hautes qualités et de la manière de penser de leurs parents. On nous dit même que c'est bien pratique parce qu'ils avaient 4 royaumes, donc le Genevis, puis les 3 royaumes d'Iblis, en fait. Et du coup, bah, chaque enfant peut hériter d'un royaume. On note que, d'ailleurs, leur fille peut aussi hériter d'un royaume. C'est assez généreux. Alors, on sait pas si c'est ce qui se passe, mais c'est sous-entendu. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Mais effectivement, je trouve ça assez intéressant aussi, ce côté... on divise clairement la Terre en fonction de ce que les... Terre en fonction des héritiers, quelque chose qui n'a jamais posé problème dans l'histoire féodale de l'Europe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut. Ils vécurent heureux. Je trouve intéressant vraiment le concept. On va clairement leur dire, ils vont avoir beaucoup d'enfants et en plus ils vont pas avoir de problème à partager leur héritage. Ouais. C'est assez rigolo là-dedans, quoi. C'est bien pratique. Mais c'est bon, dans cet univers, tu peux te marier à peu près 5 ou 6 fois, donc. Ouais, il n'y a pas vraiment de complications en dehors. Tu peux marier ta fille 5 fois, donc tu n'as pas vraiment de problème d'alliance. Tu peux maximiser, tu peux faire de la game theory, c'est en regardant tes possibilités. Ah, c'est ça. S'il y a un aventurier qui vient de buter, tu peux juste lui marier ta fille et puis il te laisse tranquille. C'est peinard, t'es peinard, jusqu'à la fin. Non, il y a vraiment... je trouve ça intéressant ce récit. Vraiment, on en a parlé pendant un bon moment, vous avez compris qu'il est... Il est un peu bizarre, il est un peu étrange, mais il est aussi... il a ce côté un peu ridicule, mais ce côté vraiment... tu sens à la fois le milieu culturel est un peu différent de celui qui a donné naissance au roman de Chrétien, et d'un autre côté, il passe par des passages qui sont tellement familiers que ça fait une espèce de côté un peu, on dirait en anglais, jarring. Enfin, il y a ce côté vraiment perturbant, oui. Quoi, uncanny. Discordant. Discordant quand tu vois ça, quoi. Oui, parce qu'il reprend beaucoup, mais aussi, comme on disait, il prend beaucoup d'éléments, il leur donne pas forcément la fonction qu'on attendrait, il les équilibre pas forcément, mais aussi c'est un roman qui est vraiment... Il y a des trucs dedans qui sont vraiment cool, genre le géant et Asalt, le magicien Maldouk, certaines aventures de Lancelot sont assez sympas, vous avez le manteau montaillé, vous avez le fier baiser, il se passe beaucoup de choses en fait, il a vraiment un peu tout mis ce qu'il avait... puis je comprends que Buchinger puisse dire que c'est un roman qui est un peu post-classique, parce qu'on n'a pas vraiment cette unité d'action ou de focus que pourrait avoir un roman français classique, quoi. C'est intéressant aussi parce qu'il peut révéler, effectivement, d'un Lancelot, en tout cas préexistant, qui est beaucoup moins bien défini que celui de Chrétien, et de souligner peut-être à quel point le Lancelot de Chrétien est en quelque sorte unique, parce qu'il a réussi à être ce personnage qui va être tellement bien défini et tellement précis dans sa caractérisation qu'il va rester plus ou moins inchangé. Enfin, il ne change pas beaucoup Lancelot après qui se définit comme chrétien. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus, disons, protéiformes dans la matière de Bretagne, qui s'adaptent un peu aux circonstances. Perceval, par exemple, pour ce qu'on en fait, il n'est pas du tout identique chez Chrétien et chez les autres auteurs. Il y a des gens qui font des persos, Perles Vos par exemple n'est pas du tout, c'est une continuation, mais il prend une approche très différente. Gauvin change un peu selon les besoins. Lancelot a quand même une fortitude, une stabilité, et là c'est très drôle de voir un Lancelot qui est justement si différent, qui est complètement il a aussi un côté un peu archaïque, justement, avec ce que je disais qui me faisait penser à Culhwch ag Olwen ou d'autres romans gallois, le personnage justement des Asalt et de cette tradition de Lancelot enlevé par des fées qui se bat contre des ondins. Ça, c'est probablement le thème le plus à succès qu'on trouve ici pour la première fois, c'est-à-dire le Lancelot dans le royaume aquatique. Et, non, c'est vrai, mais ça a une dimension qui va continuer quand même. Mais après, comme beaucoup de ces romans allemands, le gros problème, c'est que c'est vraiment des cul-de-sac. C'est que ces romans vont pratiquement rien influencer après eux, à part souvent d'autres romans allemands, en fait. Évidemment, on lit pas l'allemand dans les cours françaises, on lit pas beaucoup on va pas dire ce Lancelot, ça va pas avoir une influence disons fantasmatique, quoi. Donc c'est pas surprenant effectivement qu'il ait pas eu beaucoup d'héritage. C'est dommage peut-être, parce que ça aurait été rigolo de voir un Lancelot tout à fait différent se battre de façon tout à fait différente, avec d'autres problèmes que le Lancelot un peu qui est presque un peu mono comment dire, qui est presque une seule obsession, qui est un peu one note pour nous, peut-être, aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ouais, le côté, comme tu le disais, il y a ce côté assez archaïque et qui est intéressant de ce qu'il peut révéler d'un Lancelot préexistant. Après, je pense pas qu'il faille non plus exclure que le Lancelot en prose, ou la matière du Lancelot en prose, ait déjà existé à cette époque, ait déjà circulé. Ce serait même surprenant que ce soit pas le cas. Donc c'est possible que, effectivement, il n'est pas si archaïque que ça, mais simplement, il prend un truc qui ressemblait déjà plus au Lancelot en prose et qu'il en fait son propre truc en y collant des bouts de matière de Bretagne au hasard, quoi. Mm. Donc c'était une plongée dans le Lancelot, dans Louis Gallois, dans Hartmann von Hau. On peut vous conseiller, alors j'ai pas pu le consulter parce que malheureusement c'est le genre de choses qu'on consulte en bibliothèque et les bibliothèques sont fermées en ce moment et probablement pour un petit moment encore. Mais on peut vous conseiller le Arthur of the Germans de la série de l'Université du Pays de Galles sur les Arthur of the machin, où vous avez probablement la meilleure introduction, bon en anglais, mais sur cette matière arthurienne allemande. Oui, il y a un... Il y a un côté vraiment assez pratique de ces bouquins qui vont vous résumer à peu près l'état de tout, des connaissances sur un sujet donné. Après, ce n'est pas, pas non plus une source infinie de sagesse, mais vous allez pouvoir y voir pas mal de trucs intéressants, je pense, là-dedans. Avant qu'on conclue, je dois mentionner une petite note d'actualité, à part si tu avais encore des choses à dire sur le... Non, moi, je trouve que c'est bon. Je vous recommande de lire le Lancelot, quand même. Il est assez rigolo. C'est vrai qu'il est assez, il change un peu, honnêtement. Il change un peu certains autres trucs plus formulaïques. Et pas à propos d'œuvres formulaïques, justement. Le Tristan en prose. Alors, on a déjà fait notre épisode sur le Tristan en prose, mais on vous avait dit justement tous les problèmes d'édition qu'il y avait eu autour, le long texte, les différentes versions, tous les problèmes. Enfin, on va pas, je ne vous refais pas cette histoire-là. Et on avait accueilli avec une certaine, avec un certain contentement le fait qu'il y a une traduction en français moderne qui allait être publiée dans les années qui viennent. Le premier tome a été publié l'année passée aux éditions Anacharsis, traduit du moyen français par Isabelle Desgages. C'était une partie, le premier tome, qui avait jamais été traduite. L'édition qui avait été faite par Philippe Ménard avait été traduite tome par tome, absolument introuvable. Les trucs coûtent 200 euros maintenant, donc on oublie. Mais donc là, on est dans le tome 2 du Tristan, la table ronde, où Tristan, ça commence à, on est au milieu de la folie de Tristan quand ça commence, et puis ça se continue. Les éditions Anacharsis nous ont très gentiment envoyé un, et je voulais vous en parler parce qu'il sort... Il sortait vraiment ce mois-ci. Mais je peux que, vu les circonstances, vous déconseiller de l'acheter. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible parce que je crois que leurs commandes sont perturbées. Mais si ça vous intéresse, mettez-vous-le de côté dans un coin de votre tête parce que vous allez pouvoir, peut-être à la fin de l'année, en profiter. Honnêtement, c'est vraiment sympa à lire. C'est difficile de vanter le style d'écriture, etc., parce que justement, c'est un style qui est assez répétitif dans les événements qui se passent, mais toutes les qualités dont on avait parlé dans notre épisode, donc le fait que les personnages aient une psychologie différente, que tous les personnages soient très distincts les uns des autres, ils ont tous un peu un archétype différent qu'ils incarnent, c'est toujours aussi satisfaisant à lire dans un truc médiéval où généralement c'est une dimension qui manque vraiment, où toutes les dames sont pareilles, tous les chevaliers sont pareils. Là par contre on a vraiment une nuance, en tout cas pour les chevaliers, pour les dames peut-être pas effectivement, parce qu'on a, on a aussi un problème de ce côté-là. Et aussi, de façon assez intéressante, vous avez une préface, vous avez des préfaces d'écrivains, en l'occurrence par Sophie Divry. J'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit la préface de Timothée de Fombelle qui nous avait vendu. Ils avaient dit justement qui allait faire des préfaces, ils avaient cité Timothée de Fombelle qui avait fait la série, qui avait fait les deux bouquins Toby Lolness, qui sont un très beau livre pour enfants, si vous l'avez, un très beau livre jeunesse que j'aime beaucoup. Puis là, je suis un peu déçu, c'est toujours pas lui, mais peut-être l'année prochaine. Mais donc... je peux que recommander le Tristan à table ronde. Antoine, par contre, on est toujours en territoire du... On est dans le Tintaiol Gang. On continue sur la course du Tintaiol, apparemment. The SMF, c'était Tintaiol. Change the name group for Tintaiol. C'est dommage que l'épisode va juste s'appeler, notre épisode va juste s'appeler Tintaiol quand il sort, avec aucune précision sur... Mais donc oui, c'était un problème qu'on avait mentionné la dernière fois, c'est que Tintaiol s'est écrit, mais probablement que... Oui, certaines traditions manuscrites s'écrivent Tintaiol, mais c'est probablement Tintagel, ce que disait déjà Ménard. Et puis que là, apparemment, Isabelle Desgages n'a pas forcément pris en considération, parce qu'elle est un peu, je crois, autodidacte. Elle est surtout spécialisée dans le droit, dans le français médiéval, mais du droit. Et donc c'est possible que sur deux, trois noms, ça soit un peu passé à côté. Mais malgré ça, je suis très content de cette édition et je vais continuer à apprécier de lire les tomes à mesure qu'ils sortent. Encore trois tomes pour les trois prochaines années, si la civilisation ne s'effondre pas avant. On espère, en tout cas. On espère. On espère. D'ici là, on va vous, peut-être vous laisser... Radio Kawa qui va s'effondrer, en tout cas. Déjà, oui, mais bon, ça... J'arrive pas à croire que le coronavirus a mis fin à Radio Kawa. Non, j'arrive pas à croire que Radio Kawa a anticipé la récession mondiale en annonçant ça. C'est vraiment très gentil de sa part, en fait. C'est vraiment élégant. Il y a un côté vraiment... On a pu... wrap up ça assez sympathiquement. Non, j'allais vous dire, on va quand même vous retrouver le mois prochain, coronavirus ou pas coronavirus, peut-être en personne, sinon dans cette configuration un peu étrange que de se parler à travers un micro alors qu'on est vraiment littéralement à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, hein, dans les Hauts-de-Lausanne. Mais je ne vais pas spécifiquement souhaiter ça parce qu'à tous les coups, on sera encore en confinement jusqu'en juin, donc voire plus. Donc, on va laisser ça pour la prochaine fois. Et de quoi on va parler la prochaine fois, Laïs ? Eh bien, je ne sais pas. Je voulais aussi en profiter pour nous excuser justement de ce format où on ne peut pas se voir en vrai, on ne peut pas fonctionner de la même façon. Mais pour la prochaine fois, pour l'épisode de mai, je pense qu'on va vous parler de quelques romans français. Qui sont, on les appelait Gauvin adjacents. Donc je pense à Ambo, aux Merveilles de Rigomère, à Mériadoc, ces romans français un peu isolés, qui sont un peu les derniers dans cette tranche chronologique qu'on va pouvoir voir. Cela dit, c'est si on arrive à accéder à une bibliothèque d'ici là, hein, Laïs, parce que moi, j'ai pas une liste infinie de romans avec moi dans mes cartons. Malheureusement, c'est difficile de vous dire exactement ce qu'on va lire. Il y en a quelques-uns, par exemple, Les Merveilles de Rigomère, je peux même te le passer, j'en ai des versions papier informatique à foison. Tu Mériadoc un peu plus difficile. Tu le déposes dans ma boîte aux lettres. En tout cas, Imbo et les Merveilles de Rigomère, mais on va essayer en tout cas de vous parler de cela, peut-être pas toujours dans le détail, mais du mieux qu'on peut. Et pour un petit mot pour la suite de l'année, normalement en juin, alors je sais, du coup vu le champ cinématographique est un peu chamboulé aussi par tout ce qui se produit, donc c'est difficile de savoir ce qui va aboutir, mais on voulait vous parler de The Green Knight, dont vous avez déjà parlé précédemment sur la légende de Gauvin et le Chevalier Vert. Et cet été, on voulait faire des épisodes sur la série Kaamelott, en anticipation du film Kaamelott qui allait bientôt sortir. Bon, si ça se trouve, hein, on travaille tous les deux, c'est ça, malgré le confinement, notre emploi du temps n'est pas si chamboulé que ça, parce que, alors moi je travaille à domicile. Ah non, on est en Suisse, on est soumis au dictat de l'économie et de la productivité. Hein. D'économie suisse et puis de la classe capitaliste. Et bon. Donc on n'est techniquement pas encore en confinement. Hein, mais... Ouais, on est plus ou moins en confinement, les magasins sont fermés, à part les magasins de première nécessité, tu peux pas tellement, il n'y a pas grand chose à faire dehors en fait, c'est ça le truc. Non, il n'y a pas grand chose à faire dehors à part aller travailler et contaminer ses collègues. Mais... En l'occurrence, moi j'ai de la chance vu que je travaille dans à la fois le service public et dans la presse, je peux travailler depuis chez moi, mais toi tu dois aller effectivement contaminer tes collègues tous les jours. Donc j'aurais dit sinon on se fait une petite intégrale Kaamelott chacun de notre côté. On profite du fait que pour nous les Suisses, Kaamelott sont intégralement disponibles sur YouTube en HD pour regarder ça. De la même des façons, et puis on en parle le mois prochain, mais si tout va bien, normalement on devrait pouvoir vous parler de nos épisodes de Gauvin. Donc normalement on vous parle de romans arthuriens français. Si jamais on a un petit souci, c'est possible que ces épisodes Kaamelott justement soient avancés. Ça dépendra aussi si en mai, enfin en juin et en juillet on doit encore être en confinement, ou si le temps étant un cercle plat, Alexandre Astier décide de demander à M6 de diffuser le film Kaamelott à la télé avant qu'il passe au cinéma, histoire qu'on puisse se remettre dans les conditions d'il y a quoi, 20 ans. Ça fait combien de temps que Kaamelott existe maintenant ? Il y a plus de 10 ans, mais c'était 2009, je crois, la fin de Kaamelott. Ouais, mais le début de Kaamelott, c'était quoi ? C'était quoi, 2004 ? 2005, j'ai envie de dire, peut-être 2004 pour le film pilote. Peut-être même 2003 pour Die Sire, je pense. Donc, alors ouais, 2003-2005. 17 ans après. Mais ah si, c'est un cinéphile, donc il va être là, genre non, je peux pas diffuser ça sur un écran de télé parce que je l'ai filmé avec une caméra, avec une lentille qui a été fabriquée dans l'espace pour qu'elle soit parfaite. Ou alors il va nous faire un truc genre non, mais si elle diffusait sur M6, ce serait c'est la porte ouverte au pire tout pire et au pire. Je crois aussi, c'est tellement, en fait, il s'est tellement gueulé avec M6 que ça me paraîtrait non, pas M6, mais... C'était plus pour la blague que j'imaginais... Ça, mais ouais. Effectivement, je pense qu'à mon avis, on devra aller dans les salles obscures. Là il repasse, en ce moment, il repasse Kaamelott. Ok, on est parti sur une tangente, mais en ce moment, il repasse Kaamelott sur W9. et il y a ma belle-mère qui regarde, et W9 continue à les passer dans le désordre. Bienvenue dans l'after du podcast. On est maintenant dans l'après, le bonus Patreon pour les... Rex Condam After Dark. Non, oui, effectivement, ça m'étonne pas que W9 s'en serve essentiellement comme une espèce de truc de remplissage. Après, je pense pas que les épisodes de Kaamelott n'ont pas spécialement été conçus pour être diffusés dans un... Non, mais ils passent dans le désordre. Ils passent dans le désordre les saisons 4 et 5. Ah oui, d'accord, donc ça c'est quand même un peu plus problématique, effectivement. Ce qu'ils faisaient déjà il y a littéralement 10 ans, et que Astier pétait déjà les plombs il y a 10 ans, et je comprends pas quel avantage ils ont à faire ça. Mais voilà, ça c'est... Enfin, prochaine fois on vous retrouve, peut-être avec des bouquins, peut-être pour vous parler de Kaamelott, et on espère que ça vous plaira, et on espère que vous allez bien, et que notre émission va vous encourager à rester à l'intérieur, à récurer vos murs et à coudre des masques maison qui sont pas forcément très efficaces, mais qui sait. D'ailleurs, maintenant qu'on a 31 épisodes, vous pouvez réécouter tout Rex Condam, Rex Que Futurus, hors les hors-séries, à raison de 1 par jour. Et pendant un mois, pour vous faire pendant une intégrale. Un mois, ça vous fait 2-3 heures tous les jours. Oui, cet épisode fera environ 4h30, mais... Si vous voulez péter un plomb, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. vous attendrez notre état... Vous alignerez sur notre... état mental. Vous ouvrirez les mêmes chakras que nous. Exactement. D'ici est-ce que vous ouvriez vos chakras pour être en communion avec nous, on vous retrouve le mois prochain si tout va bien, et on vous dit d'ici là, stay safe, stay home, comme ils disent, hashtag restez chez vous, comme on dit. Mm-hmm. Et on vous souhaite de joyeuses Pâques malgré tout, une joyeuse Pâques, une joyeuse Ostara, et un bon mois d'avril à vous tous malgré tout. Mmh. Profitez bien du soleil depuis vos fenêtres, vos balcons, vos parcs dans lesquels vous faites pourchasser par la police parce que vous n'avez pas la bonne autorisation remplie correctement suivant les formulaires A39B de la maison qui rend fou. Et d'ici là, on vous souhaite, on vous dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. Radio Kawa.